Bienvenue dans la contrebande. Je connais cette théorie. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Nom de Dieu! Ça dirait de grandir, hein. On est pas bien, là? Ça dirait de grandir. Tu les sens, les coussins d'huile? Quelle année, mes amis, quelle année! Un épisode de pilote assez cool, sans filet, mais plutôt dense. Un épisode sur les comédies françaises, finalement pas si mal à réécoute. Un épisode sur le dernier Star Wars, évidemment. Non, décidément, cette année fut brève mais intense pour la contrebande. Bah oui, alors bien sûr, il s'est passé quelques autres trucs cette année dans le cinéma. Elle a commencé en musique avec La La Land. Elle nous a apporté des nouvelles saisons de Game of Thrones, Rick and Morty et même de Twin Peaks. Mais aussi son nom de Marvelry et de DC-ry, DC-H-U-ry, enfin bref, des films de DC. On a eu de gros scandales sexuels dans les plus hautes sphères d'Hollywood. Et tout récemment, un des plus gros, si ce n'est le plus gros merging, la plus grosse fusion de l'histoire de l'industrie culturelle. Mais à quel prix ? Je sais que c'est pas du cinéma, mais ils avaient pas droit, putain, pas lui. Pas la plus grosse star française. Bon, ok, il a pas toujours été réglo, mais celui qui a jamais fait une blague de mauvais goût lui jette la première pierre. Patex, putain, Patex, ils avaient pas le droit. J'ai mal à mes amours. Putain. Bon. Pour tenter de dresser un bilan un peu plus précis que le mien de cette année 2017, cette nouvelle contrebande, et comment c'est de Bastien Reynal, toujours mon fidèle Bastien. Bonsoir Bastien. Bonsoir William, ou bonjour selon laquelle tu... Hein, t'as compris? Oui, ça va ça? Ça va. Sur le Instagram. Ah, toujours en public. Toujours en public. En public à Ville d'Avray. En compagnie d'un public en folie. J'ai Quentin avec moi, bonsoir Quentin. Bonsoir William et la contrebande. Toujours content d'être là? Oui, bah trop bien, surtout que là maintenant j'ai un très bon pastaga de qualité entre mes mains. Ah, très bien, ça va, on va passer une bonne soirée. À portée du vieux port là. De Marseille. Du coup, ça va très bien. Lucas, à côté de toi, Lucas qui a laissé son coussin pour parler du bilan de cette année. Aussi, ouais, j'ai laissé mon coussin, ça va Willem? Ça va. Bah, il est minuit et quart. Non. Pour les coulisses, 18. C'est dans la tête. On est à bloc. En train de boire un petit pastis avec 57 herbes dedans. Délicieux. Dont de la verveine, si vous sentez bien la verveine. Y a pas un goût de menthe? Il y en a. À côté de toi, Lucas, Jean-Victor, toujours avec nous. Oui, bonsoir, bonjour, bienvenue, merci. Comment ça va toujours? Bah, écoute, très bien. Comment ça va toujours? C'est vrai que c'est question. Un petit peu compliqué, il est tard, mais on est robuste et on va tenir. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on fait des bilans, calmement. C'est les coulisses. Évidemment. Et puis, on a avec nous un sniper. Bonsoir. Il est trop fort. Je tiens à dire que c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. JB avec nous, bonsoir. C'est alcoolique anonyme. Non, franchement, c'est un réel plaisir, vraiment. Vraiment. Oh là là. Et puis, à la console, sans qui tout, rien ne serait possible, ça ne veut rien dire. Antoine Buisson. Bravo. Je veux un applause pour Antoine Buisson, très bien. Bon, on va commencer par faire un petit résumé de tout ce qui nous a marqué chacun au cours de cette année. Film ou actu du cinéma, mais on va parler des films, hein. Ça sera déjà pas mal. Et puis on va compléter par nos top 3. Top 3, on va faire un top 3. Hein. Et puis on profitera du coup, parce que top 3 c'est pas facile. Sachant que, ouais, il y a eu encore une. Enfin bref, top 3 c'est pas facile. Donc on donnera des petits recos sur des films qui sont pas sortis au cinéma par exemple, ou même des séries, ou voilà. Voilà, mais des petits films qu'on pourrait avoir vus en festival ou des choses comme ça qui méritent d'être vus. Et puis enfin, nos attentes sur l'année 2018, pleines d'espoir. Parce que voilà, il pleut, il est tard et il en faut. On est parti ? Ça change, faut jamais se laisser démonter. Bien, les tontons flaggeurs. Bon, en une ou deux phrases, si on devait résumer l'année 2017, qui se lance ? C'est l'ambiance entièrement ça. Zut ! Est-ce que vous voulez vraiment parler de 2017 ? Bah oui, quand même. 2017, ça nous a donné quelques belles choses quand même. Pas que, mais quelques belles choses. Bah, c'était globalement quand même un gros bordel. Moi, c'est l'expression que j'utiliserais, gros bordel. T'en as retenu ça, toi ? Jean-Victor ? Ouais. À tous les niveaux, tu vois, pas juste au cinéma, mais bon. Oui. Mais ouais, un bon gros bordel. Donc un joyeux bordel. Du coup, quelqu'un partage cet avis-là ? Parce que effectivement cette année on peut dire qu'il y a eu un énorme bordel, notamment avec l'affaire Weinstein qui va qui a quand même un énorme tremblement de terre qui va probablement changer beaucoup de choses sur le, en termes de production de films dans les années à venir. Bien sûr. Parce que c'est un fait. Enfin, on parle de fait divers, mais bon, c'est pas un fait divers, mais c'est quelque chose qui. Enfin, moi personnellement, j'ai vu beaucoup de gens que j'admirais tomber. Et que ça m'a fait mal, genre des mecs comme Louis C.K., enfin je considérais comme un des mecs les plus drôles au monde, et de voir qu'il était aussi mêlé à ça, ça a fait mal. Et je pense que à partir de maintenant, il y aura beaucoup de questionnements sur comment juger les œuvres de ces mecs-là à l'aune de ces affaires-là. Et je pense que, enfin, il y a eu quand même une actualité cinéma, mais je pense que pour moi le truc à retenir de cette année-là, c'était vraiment ça, parce que je pense que ça fait pas... Parce que cette année, quand même, il faut aussi noter qu'il y a eu les chiffres du box-office hollywoodien de cet été qui ont été très mauvais. Ouais. Et en plus de ça, dès le début de l'automne, il y a ça qui vient de nouveau remettre un nouveau coup de pelle dans leur gueule à Hollywood. Enfin, je pense que cette année, ça va. Non, mais c'est assez juste. Ouais. Non, mais c'est que cette année, il s'est passé des choses qui ont fait que Hollywood est en train d'exploser et que je pense que les prochaines années vont être intéressantes. Bien sûr, oui. Donc ouais, on est vraiment sur l'idée d'un joyeux bordel. Lucas, voilà. Quelque chose sur l'année? Ouais, non, il y a quand même, enfin ouais, effectivement. On a été au cinéma aussi cette année. Ouais, on a... Oui, bien sûr. Non, mais c'est je m'entends super fort. Ouais. C'est complètement vrai ce que tu dis. C'est sûr que ça va changer les choses. Les langues se sont déliées et c'est pas un effet, c'est pas un, comment dire. C'est pas un épiphénomène, c'est pas un petit truc dont on est censé ne plus en entendre parler, comme ce qui s'est passé en France avec Brissot ou autre. Enfin, c'est quelque chose qui va avoir son importance. Pour Louis C.K., ça fait juste 3 ans qu'on a les mains devant les yeux en disant non. Non, enfin, il y a quand même plusieurs femmes qui ont pointé du doigt son comportement et sa attitude et l'effet d'harcèlement dont il a été accusé. Non, moi j'ai jamais fermé les yeux. J'aime Louis C.K. son travail, mais je me dis que effectivement son travail vient pas de nulle part, quoi. Enfin, c'est, oui, voilà, c'est... comme beaucoup de monde et c'est dégueulasse. Mais effectivement, ça, le ce qui s'est passé avec Weinstein, ça a contribué à mettre ça sur le devant, et tant mieux, quoi. D'ailleurs, j'ai vu que le Time Magazine a élu personnalité de l'année les Silence Breakers, je sais pas comment ils ont appelé ça, Silence Breakers. Donc tous les gens qui ont pris la peine de s'exprimer au-delà des non-dits et des systèmes mis en place pour Et là, vous avez traduit ça par ceux qui ont permis de dévoiler ouais. le scandale. Ceux qui ont. Genre, c'est pas. Ils ont dit. C'est ceux qui ont. Ouais, ils ont légèrement oublié de féminiser, du coup. Ceux qui ont. Non, celles qui ont brisé le silence. Ouais, mais c'est aussi parce que Trump a refusé. C'est l'AFP, ça, en France. Non, je sais, mais parce qu'elles ont fait la couverture du Time. Bon, ah oui, c'est parce que ça devait être Trump. C'est la première blague qui tombe à plat. Voilà. Bon, il faut bien commencer comme ça à un moment, ce soir. Non, mais donc, du coup. Et sinon, au ciné, oui, bah, c'est la valse, quoi. C'est la valse. J'aimerais juste que des réalisateurs que j'apprécie ou des auteurs que je connais pas encore puissent faire leur trou et réaliser les films qu'ils ont envie de réaliser dans la mesure. Enfin, le cinéma, quoi. Mais bon, c'est vrai que, comme on dit dans la présente émission, les fusions et les mainmises font que. Ouais. Ça risque d'être un petit peu compliqué, ouais. Ouais, c'est un peu le. En plus d'être le bordel. Il y a eu des beaux films. On va en parler, pas fait les... qui ont certainement pas fait le plus d'entrées. Mais il y a eu des beaux films. Il y a eu des très mauvais films. Il y a eu des déceptions. Comme chaque année. J'ai toujours du mal à dire oh, petite année, bonne année, etc. Bon. Un petit cru. Ouais, voilà. Bon petit cru 2017. Jean-Pierre Pernaut, Bastien. Ah ouais. Jean-Pierre Pernaut. Même combat. Ce genre de transition. Non, c'était le bon petit cru, ça m'a fait penser. Je sais pas pourquoi. Bastien, du coup, toi, Ben non, qu'est-ce que tu retiendrais de 2017? Je suis un peu d'accord avec tout le monde, un peu les mêmes choses, hein, finalement, d'un point de vue cinématographique. On est un peu toujours sur la même chose, hein, des très mauvais films, des bons films, un peu de tout. Il y a à boire et à manger. Il faut savoir faire le tri. C'est surtout ça. Arriver à bien faire le tri dans ce qu'on consomme. Oui, non, mais c'est vrai que je pense que plus que jamais, moi, ce que je retiendrai aussi de cette année, c'est la profusion des plateformes, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est d'un point de vue plus perso, encore une fois, mais. Comment ? Des plateformes de streaming. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, enfin, à titre personnel, c'est cette année où je me suis abonné à Prime. À OCS. Exactement pas. Bon, pas Hulu encore, mais je veux dire, Netflix, bon, voilà, ça fait quelques années, enfin, ça fait au moins un an que je suis abonné déjà, mais Ouais, c'est cette année où je me suis abonné à OCS pour regarder Game of Thrones, par exemple. Tu vois, je me suis dit, voilà, j'ai fait le choix de l'égalité, machin, tout ça. Mais et aussi de voir tout le catalogue HBO sur OCS et Prime aussi. Enfin, Lucas, tu fais Zolala. Je suis le puriste comme un gros connard, mais tout le catalogue HBO, je vais envoyer, j'ai envoyé ma liste au Père Noël à OCS parce que il y a des séries, il y a pas Deadwood, il y a pas Carnival. Oui, c'est vrai. Mais Carnival, j'avais dit. Il y a pas John from Cincinnati, il y a plein de. Non, bien sûr, mais après, enfin, c'est pas complet, il y a encore un petit peu de boulot. Il est pas complet et pour moi, il y en a déjà beaucoup à regarder. Enfin, tu vois, il y en a plein que j'ai pas vu. Enfin, mais bon, après toutes les saisons de Bordeaux comme Pire, par exemple, je les ai pas vues. Mais Sopranos surtout. Les Sopranos, mais Sopranos, j'ai vu la. Enfin bref, c'est la démarche que tu t'es abonné, quoi. C'est... Voilà. Et du coup, moi, c'est ce que j'en retiendrai, c'est cette profusion de même en termes. Mais de... c'est pourquoi aussi pourquoi on fait ça. Enfin, pourquoi on se dirige de plus en plus vers la télé et pas peut-être moins vers le cinéma. Alors après. Bah du coup c'est pas la télé en fait puisque c'est ces plateformes de streaming en fait tu vois c'est et c'est HBO, pas ouais. Comment c'est HBO oui ah c'est vrai c'est plateforme de streaming des oui, chaînes c'est de vrai télé. C'est vrai effectivement voilà hein, fin de l'émission bonsoir non non mais oui effectivement bah ça on va débriefer du cinéma mais peut-être qu'effectivement il y a pour revenir vite fait à ce qu'on avait dit dans l'émission sur Star Wars dans les news, c'est que, par exemple, on prend l'exemple de Okja ou même de Annihilation, le prochain film d'Alex Garland. Il y a peut-être ce choix de se tourner vers ces plateformes-là parce que c'est un peu le Far West aussi dans ce domaine-là. C'est un classement. Ça bientôt le 22 décembre de Bright, le nouveau Bright, film ouais. D'ailleurs qui est un espèce de blockbuster avec Will Smith. Ouais. Qui joue un flic, où il y a des baguettes magiques, des elfes, machin, etc. C'est une bande annonce de ça, ouais. Ouais, et en fait, ça sort sur Netflix, ouais. Ouais. Ça sort directement sur Netflix, alors que c'est le truc qui a 10 ans, ça serait sorti au cinéma, quoi. C'était prévu pour être un film Netflix à la base ou ouais, c'est Netflix, ouais, le truc dès le début, ouais. Donc du coup, voilà, déjà pour ce qui est de ce bilan de 2017, on retiendra le côté Far West bordel. Ouais. Je crois que c'est l'avis général un peu. JB, un mot dessus sur l'année 2017. Ton année 2017. Mon année 2017, ça a été pub en Irlande et Slovaquie, voilà. Donc, très bien. Et j'ai fait un carreau aussi. Et j'ai fait un carreau, voilà. Au Masters de la thèse de bûche, voilà. Vous pouvez me retrouver donc le 23 au Masters de Everton ou Southampton, je sais plus, faire un truc comme ça. Voilà, non, ouais. Ouais. Non, moi j'ai bien aimé 2017, j'ai regardé 2-3 films qui étaient plutôt sympas. Deux films en tout. Mais du coup, t'as fait des choix précis. Voilà, exactement. On a cette idée de choix. Et toujours faire le tri dans ce qu'on regarde. Du coup, cette année, enfin, peut-être se marque un peu le tournant là-dedans. Est-ce que avec c'est vraiment 2017 avec l'année prochaine ou même les années à venir, là, ça va être, c'est là que ça va jouer quand on voit surtout avec la fusion entre Disney et la Fox, aussi, et surtout là, pour leur plateforme. Ça, c'est une horreur. Quand on se rappelle de George Lucas et Spielberg qui disaient il y a quelques années que le modèle des blockbusters était voué à mourir. Enfin, au final, on leur a un peu chié dessus parce que au final, ça s'est pas passé, mais juste ils ont dit ça trop tôt en fait. Mais en fait, là, c'est clairement en train de se passer. C'est clairement de se casser la gueule. Enfin, comme je disais tout à l'heure, le box-office se casse la gueule. Les chiffres sont mauvais. Il se passe quelque chose là. Il y a un autre truc, c'est que le plus gros producteur en 2018 de cinéma américain, c'est Netflix. Ouais. C'est-à-dire que Netflix, en termes d'investissement pour les films, c'est eux, ils vont investir plus que toutes les majors américaines. Je sais plus combien de milliards, c'est hallucinant. Mais voilà, cette espèce de site à la con que tout le monde méprisait il y a 5 ans, en fait, les gars sont en train de foutre la nique à tout le monde et de prendre le devant. Ils font de plus en plus peur, en fait. Ouais. Et c'est pas pour rien que du coup. La fusion Fox-Disney, c'est ça. Hein, c'est en partie pour ça, Netflix, c'est pour essayer de concurrencer parce que Disney, tout puissant qu'il est, peut-être qu'avec juste leur catalogue, ils sont avec des gros guillemets, n'est pas assez puissant pour concurrencer Netflix. Et ça, c'est fou quand même. C'est peut-être la première année où Netflix fait aussi peur. Le sauront maintenant. Comment ? Ça va devenir un numéro 1 maintenant. C'est sûr. Ouais, ben ça. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu le Pernod Ricard. Tu vois, les mecs, ils ont 600 milliards de marques de whisky, de machin et tout. Ils rachètent tout, quoi. Ouais. T'as foutu 60 milliards pour acheter la Fox. Bon. Ouais, mais le problème, c'est qu'à force d'avoir trop de whisky, tu sais plus choisir, quoi. Tu les bois quand même. Oui. Et ça, ça serait pas une belle conclusion de 2017. Parce que on a fait tout un podcast sur Star Wars qui parlait que de ça. D'un côté, c'est qu'on a peur de la situation monopole de Disney, mais c'est vrai qu'en fait, on oublie quand même que Netflix, c'est un ogre immense qui a un duel entre les deux. Ouais. Enfin, je pense qu'on peut parler de baston entre les deux, quoi. Ils vont se foutre sur la gueule. Et après, à côté, c'est vrai qu'il y a aussi Amazon avec leur Seigneur des Anneaux. Ça va être assez intéressant à suivre quand même ce qui va se passer les prochaines années en termes de cinéma populaire. On en parlera du coup un peu plus dans nos attentes de 2018 et peut-être un peu plus loin, mais en tout cas dans le turfu. quand on se projetera dans le turfu. Mais ouais, en tout cas 2017, une année qui, ouais, qui marque peut-être une charnière entre les deux. Est-ce qu'on se commencerait pas tout de suite par un petit top oh, un topito. Une top. C'était complètement raciste ce Pas du tout. Hey, petit top. On a précisé que le JB c'est le frère de Bastien. Oui. C'était pas du tout une imitation. Non, vous avez je suis un incompris. C'est terrible. Lance-nous ton top. Je commence du coup. Ah bah oui, bah là tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Là. C'est parti. Je vais bah, du coup alors mon top 1 de enfin mon film préféré pour moi de cette année. Ah, tu commences par le. Ouais. Ah on fait un dégressif. Toi le suspense c'est pas ton truc quoi. C'est... Ah mais je sais pas, tout à l'heure on m'a envoyé chier pour Star Wars parce que je voulais faire c'était le classement, c'est pas pareil. Classement en top. Non, c'est mieux de commencer par en bas. On fait un top 3 ou un top 5 alors du coup? Non, on va faire un top 3 et on part du dernier jusqu'au premier. Ok. Ok, ça marche. Ça marche. Alors le top 3 de Bastien Reynal est. Roulement de tambour. En numéro 3. Moi, en numéro 3, je vais mettre un petit film qui est passé totalement inaperçu en France, alors qu'il était un énorme pari technique et qui était complètement. Il s'est complètement ramassé la tronche aux États-Unis et sa sortie a été sabordée en France. C'est Un jour dans la vie de Billy Lynn. Oui. Oh oui. Billy Lynn, Halftime Oui. Un film de Ang Lee, du coup, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui revient de la guerre en Irak pour faire un petit show à la mi-temps d'un match du Super Bowl. Et on suit du coup la journée de ce soldat entre ce passage à la mi-temps du Super Bowl et quelques flashbacks et autres flash-forwards qui le montrent dans sa famille. Et c'est, le film a la particularité surtout d'être tourné par Ang Lee à 120 images par seconde, en 3D, tout ça, ce qui est une performance technique quand même assez hallucinante en ce qui concerne l'avenir du cinéma. En 4K et aussi. En 4K aussi, 4K, 3D, 120 images par seconde. 120 images par seconde. Pour donner une idée, sachant que le dernier film qui avait tenté ça, c'était Le Hobbit, qui était donc en HFR et qui était seulement à 48 images seulement à 48 images par seconde. Ouais. Rate, ouais. C'est ça. 48. Le mec a triplé le truc, quoi. Le double, du coup, HFR, c'est le double de ce qu'on a d'habitude. Ouais, non, c'est 48 images par seconde. On a du 25 images par seconde, voilà. Enfin du 24 selon la norme américaine. J'espère que les gens qui écoutent savent ça. Voilà, donc 24. Et du coup, le Hobbit, c'était 48. Et là, ouais, 120. 120 images par seconde. 120. Donc le cap est monstrueux. Quoi. C'est monstrueux. Le film était quasiment pas diffusé dans le format tel qu'il a été. Il est sorti. Aux États-Unis, si, en France, il a même pas été diffusé en 3D. C'était une sortie 2D complètement sabordée à 24 images par seconde dans 50 salles en France. On a vu le film à moitié, quoi. Enfin, j'ai pas vu en plus. Aux États-Unis, c'était dans un festival et dans 3 salles. Ah ouais, il me semblait qu'il y avait une. Ah, je croyais qu'il y avait eu quand même une vraie sortie. Ça s'était complètement ramassé. Il y a une salle à New York, je crois, qui a vraiment passé le film dans les vraies conditions. Donc ça a été pensé. Il me semblait qu'il y en avait plus, ouais. 3 salles, surtout aux États-Unis et des festivals, quoi. C'était une pauvre séance, quoi. C'est ça. Apparemment, il y avait personne en plus. Pour les gens, il faut se rendre compte qu'effectivement, le problème, c'est que diffuser avec cette fréquence-là sur les deux yeux, en fait, ça demande un changement de la chaîne de production. Il faut changer les projecteurs. C'est même plus mettre à jour avec un frame en machin. C'est matériel. Il faut vraiment changer tout le matos. En termes de stockage de données, de rush. Ouais, du coup, le film pèse 4 fois plus lourd. Enfin, voilà, donc c'est aussi un défi logistique, quoi. Un défi énorme. Non, mais là, c'est plus le côté technique. J'aimerais bien savoir. Oui, non. Voilà. Alors, au-delà, c'est là, j'allais y venir. C'est quand même pas mal. Moi, c'est là où le film est intéressant. C'est qu'au-delà d'être un pari technique, je trouve que c'est un super film, extrêmement bien écrit, avec un super scénario, que je trouve être un peu un complément à Starship Troopers. Dans la manière, dans la satire qu'on s'adresse. Ah, bouillant! Ouais, ça n'a tellement rien à voir! Guerre en Irak, comme ça, qui concrètement, le film passe 2 heures à cracher sur l'Amérique et ses idéaux. Et je comprends que ça n'avait pas marché aux États-Unis, du coup, hein, parce que bon, on n'aime pas trop se faire cracher à la gueule, de manière générale, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. C'est pour ça que Détroit n'a pas marché non plus aussi. Ça peut être. C'est surtout le fait, sur un film sur le ressenti d'un mec qui rentre, qui s'est quand même battu à l'étranger pour son pays, et en fait, il se rend compte de l'espèce d'hypocrisie qui l'entoure. Tout le monde dit bravo, et en fait, tout le monde n'a rien à foutre de ce que lui a vécu, et le mec est juste ravagé parce qu'il a quand même fait la guerre. Est-ce qu'on spoil le film ou pas? Vous préférez qu'on spoil ou pas? Je l'ai pas vu, mais allez-y. Moi. Ouais, bah tant pis. Si de la vie générale, si vous l'avez pas vu, vous allez voir où vous revenez. c'est aussi con que ça. Hein. Non, on peut parler je pense surtout du procédé, ce qui était assez hallucinant en voyant ce film. Quand tu vois dans un cinéma en 2D, en 24 images par seconde, tu vois qu'en fait tous les cadrages et la manière dont c'est filmé, l'aspect, pour donner une idée, en fait, quand tu multiplies le nombre d'images par seconde, tu multiplies le nombre d'informations et tout est plus fluide, tout est plus naturel. Comme il y a plus d'informations, la 3D en fait est plus profonde naturellement. Donc, en fait, tout est amplifié. Donc, les sensations sont beaucoup plus vives. C'est comme si tu étais vraiment à fleur de peau en termes de ressenti. Et a priori, en fait, le film en 120 images par seconde est juste bouleversant parce que tu sentais que le mec était jamais bien et qu'il se prenait tout en pleine gueule. Et c'était vraiment une question de ressenti devant l'écran, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que rien qu'en voyant la manière dont c'est filmé, où tout est filmé en gros plan de théâtre, etc., tu sentais que cet aspect hypersensoriel était vachement important, mais que toi, du coup, tu avais une espèce de version un peu iPhone, tronquée. Tu sentais que le film, tu l'avais pas dans son. Ça se voyait que c'était pas dans le bon format. Oui, oui, en fait. Et en plus, sachant ça, enfin, d'autant plus sachant ça. C'est-à-dire que je sais pas s'il y a beaucoup de. Enfin, du coup, le film a complètement vidé. Enfin, ah oui, il est resté une semaine. Une chose complètement problème, il est sorti en Blu-ray en 3D. Le Blu-ray, lui, est en 3D. Ah oui, en normal. En 24 images par seconde. Le Blu-ray 4K, lui, le Blu-ray 4K US est en 60 images par seconde. Ça pourrait être Je crois qu'il y a une copie qui traîne sur le net en 4K. J'ai fait un ordinateur. Mais pas en 3D. Encore un des mystères de l'exploitation DVD. Le Blu-ray en 60 images par seconde n'est pas en 3D, alors que le Blu-ray standard est en 3D, mais à 24 images par seconde. C'est n'importe quoi. Ah oui. C'est n'importe quoi. La 3D est si utile que ça. Moi, je l'ai pas vu en 3D. Je pose une question. Bah, de toute façon, je sais pas si t'as vu le Hobbit en HFR 3D, mais en fait, le fait d'augmenter le nombre d'images, ça augmente la 3D naturellement. C'est-à-dire que toutes les images sont plus profondes. Si je prends la profondeur d'écran. En fait, comme c'est plus fluide, t'as moins l'effet sentiment fantôme. Tout simplement, dès qu'il y a un mouvement, ça se voit, c'est criant dans Billy Lynn. Dès qu'il y a des grands mouvements de caméra, des grands panoramiques de caméra où la caméra se déplace très très rapidement, et en 24 images par seconde, ces plans sont complètement flous en fait. Ils sont juste flous. Alors qu'il y a une bande-annonce qui traîne sur YouTube en 60 images par seconde et ces plans sont forcément plus nets sur YouTube. Ces plans sont plus nets dès que tu ajoutes de la fréquence image. Tu sens que ces plans ont été filmés pour être vus de cette manière-là. C'est ça en fait, l'espèce de flou auquel tu es habitué au cinéma dès que la caméra bouge, il n'existe plus. Okay. Donc en fait, ton ressenti face à l'écran, il change complètement. Okay. Et a priori, avec la 3D, c'est encore plus ouf, quoi. Alors, je peux pas l'avoir vu, du coup, le Blu-ray 3D, ça ajoute un petit truc. Mais il y a toujours cette frustration du nombre d'images. Hein. Ça se ressent encore plus en 3D. Ouais, sachant que pour la petite histoire, à Paris, il y a une salle, le Max Linder, qui a essayé de diffuser le film dans les conditions d'origine. Et en fait, c'est Quentin qui avait posé la question sur la page. En fait, je dis que je payais ma tournée à toute la salle si jamais ils arrivaient à passer le film dans ces conditions-là. Ils ont dit qu'en fait, il y avait aucune version française exploitable dans ces conditions-là pour ce film, alors que le projecteur du Max Linder était capable de diffuser ce film, quoi. Ouais. C'était dans les conditions telles qu'elles étaient pensées. Il n'y avait pas la copie. En fait, sauf que voilà, vas-y, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas le matériel. Enfin, on peut pas vous le faire, alors que vous pouvez le diffuser, mais on peut pas vous le faire. D'accord. J'avais fait mon petit buzz à cette époque-là. Je tiens à signaler. Un monsieur qui a fait un buzz en 2017. Voilà, c'était le buzz. C'était le buzz de 2017. Le carreau à la pétanque. Et le mec qui a foutu la merde sur le Facebook. J'ai fait bouger les lignes, je pense. D'accord, donc Billy Lynn, qu'on recommande si vous arrivez à le choper. Même le film, au-delà de l'aspect technique, est. Ah oui, c'est un super beau film. Ce concert du Super Bowl avec les Destiny's Child. Ouais, oui, tout à fait. En parallèle du. Peu importe les noms, non mais c'est des poufs, on s'en rend. Peu importe le nom, tu vois les mecs au stade, non mais tous les supporters, ils sont tous gogol à gogol possible. Non mais en plus de ça, c'est le côté, c'est pour te rappeler aussi que. Mais tu te demandes pourquoi ce mec-là se bat pour son pays. Les mecs sont tous débiles et t'as l'impression que c'est n'importe quoi. Ouais, et puis en plus de ça. Le concert des Destiny's Child a vraiment existé, la vraie mi-temps du Super Bowl en fait. Ouais, et puis du coup, c'est monté en parallèle avec une réminiscence de la scène trauma du mec, le PTSD du gars qui a tué un mec, enfin bref, voilà. Mais du coup, on recommande vachement Billy. C'était le top 3 de Bastien. Voilà, top 3 et la suite, ça va être la folie. Et ça fait aucune heure, donc ensuite le 2 de Bastien, on va passer un petit peu plus vite, ou peut-être pas. Du coup, en numéro 2, j'ai mis un petit film aussi qui est passé complètement inaperçu. Ça m'énerve un peu parce qu'il s'est fait un peu saboter alors que le bouche-oreille commençait à démarrer. Il est resté une semaine à l'affiche à peu près. C'est quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, qui est sorti à la pire date de sortie possible, aka le 3 janvier. C'est ça, à peu près par là. Oui, tout le monde a la tête dans le fond, c'est pas possible. C'est ça, en pleine gueule de Bonne Nouvel An. Et qui est un film tout simplement excellent. Ça raconte quoi? J'ai pleuré toutes les larmes dans mon col dans ce film. Ça parle de. T'es un peu fragile toi aussi. On va pas se mentir. Je remercie pour la précision. Je t'en prie. C'est important d'avoir la famille. Hein, Exactement. comment résumer le film? Je saurais pas trop le résumer. En gros, c'est un gamin qui doit faire face à, qui doit faire face au cancer de sa mère, qui est en phase terminale. C'est la mort inévitable de sa mère. La mort, c'est ça, tout à fait. Il y a un suspense dans le film par rapport au fait que sa mère va mourir. Le truc un peu curieux du film, c'est que ce gamin a sa mère qui va mourir, et en fait, un soir, quand il est dans sa chambre par la fenêtre, il voit un arbre dans la prairie d'en face. Et un jour, il voit l'arbre s'animer, devenir vivant, et en fait venir le voir et lui dire pendant 3 soirs, je crois, si je dis pas de conneries, tous les soirs je vais venir te voir et je vais te raconter une histoire. C'est le point de départ du film, sachant qu'évidemment les histoires ont un rapport avec la vie du gamin, etc. Le gamin a à passer à réaliser à le fait que sa mère va mourir, à traverser ce deuil et... On va pas trop en chial, quoi, mais c'est un super film. Et malheureusement, l'effet que j'ai remarqué de ce film, c'est qu'il est sorti et je sentais que le bouche à oreille commençait à faire effet. J'en parlais aux gens, j'ai dit allez voir ce film, c'est super. Il n'était plus déjà. Et malheureusement, les gens m'ont dit je voulais aller le voir, mais il ne passait plus. Ah ouais, c'est passé ça, ouais. Pour moi, je l'aurais chopé après, je sais plus comment. Mais c'est arrivé pour énormément de gens. J'ai énormément de retours de gens, de mon point de vue par rapport à moi, des gens qui me disaient je voulais aller le voir, et puis il n'y était plus. Il a à peine resté une semaine à l'affiche et il s'est fait. De suite dégagé, donc c'est une très grande tristesse. C'est ce qui rappelle aussi un peu un Maroni. Ça fait quelques années déjà qu'on parle de ça, de ce phénomène et tout, mais le fait aussi qu'il y a tellement de films qui sortent, qui se passent de moins en moins de temps au cinéma. Et d'où l'intérêt, encore une fois, comme tu disais, Bastien, de faire ses choix, machin. Mais des fois, même en faisant ses choix, le temps qu'on le fasse, le film est déjà plus à l'affiche. Et bon, voilà, c'est aussi le dilemme des distributeurs et tout, mais ouais, il y a de plus en plus de. Tellement de films qui sortent de plus en plus, tellement plus facile, on va dire, de produire un film. Toute proportion gardée, mais ça fait, c'est pas que 2017, ça fait quelques années déjà, mais que c'est de plus en plus dur d'aller d'arriver à avoir un film. C'est que c'est un film qui, par exemple, en Espagne a récolté plein de Goya, donc l'équivalent des Césars là-bas. Et c'est un film qui est assez hors norme, parce qu'on l'a pas dit, mais par exemple, les trois contes que raconte l'arme, en fait, c'est de l'animation. C'est de l'animation, oui. Fait avec une espèce d'aquarelle, et d'un seul coup, t'es devant un film live avec des vrais acteurs, et tu te retrouves devant ce truc-là pendant 10 minutes, tu sais pas de ça, mais c'est magnifique. Et l'arme, en l'occurrence, il est joué en performance capture par Liam Neeson. Donc il a la grosse voix de Liam Neeson, bien badass, qui est quand même net. Bon, il lui dit pas « I will track you, find you, kill you », tu vois, mais voilà, c'est quand même, il joue bien de temps en temps. Il y a un casting aussi qui est phénoménal, enfin, genre Sigourney Weaver dans le rôle de la... Dans la matriarche. De la matriarche, de la maman qui est de la grand-mère, du coup, du gamin. Du gamin, ouais. Enfin, elle est phénoménale. Et aussi, bah, surtout, c'était Felicity Jones, parce que c'est un film avec Felicity Jones qui est sorti pas si longtemps après ou avant Rogue One, et qui dans Rogue One est assez fade, impassible, et là se révèle être bouleversant dans ce film. Enfin, c'est peut pas s'empêcher de revenir à Star Wars, c'est un truc de fou. Ah, c'est vrai, merde. Tu te tais maintenant. Non, mais venir, voilà, enfin, dans Rogue One, elle est fade, enfin, inexpressive au possible, et du coup, enfin, ça donne une mauvaise image d'elle, et là, et c'est là que tu vois qu'à partir du moment où t'es un bon réalisateur, sait donner des consignes à ses acteurs, à son casting, bah là, voilà, il s'est tiré le meilleur de ses acteurs, et là, dans ce film, Felicity Jones, enfin, te fait chialer, quoi. Dire, voilà, c'est trop. Du coup, puisque Quentin veut plus en parler par l'émotion, on peut plus attendre. Je quitte la salle. On peut plus attendre. La tension est palpable. Le tapin. Ladies and gentlemen, tonight and all night only on Villarreal. C'était tellement triste. Mon numéro 1, ceux qui me connaissent ne seront pas beaucoup étonnés. sera bien évidemment Baby Driver du formidable Edgar Wright. Qui, moi qui suis passionné par tout ce qui est découpage, réalisation cinématographique et surtout la corrélation, le lien qu'il peut y avoir entre la musique et le cinéma, c'est un film qui m'a totalement bouleversé, fasciné, j'étais comme un dingue. Mais pour vous dire, d'ailleurs, je l'ai vu 9 fois au cinéma. Oh putain. Ouais, pour vous dire comment sa vie amoureuse est triste. Non, je l'ai vu 9 fois au cinéma et j'ai pris un plaisir énorme à chaque fois. Je découvrais. Pas ça, les gens. Hein. Peut-être pareil. À chaque visionnage, je découvrais des choses que je ne voyais pas avant. Parce que Edgar Wright, il faut savoir, c'est un réalisateur complètement qui est à la limite de l'autisme en fait. C'est un maniaque obsessionnel, complètement fou du détail. Et à chaque visionnage, je voyais des choses que je n'avais pas vues avant, des petits détails dans les plans, dans les raccords et autres. Et c'est impressionnant en termes d'écriture. Je trouve ça fabuleux. J'étais tombé sur le scénario. Et c'est impressionnant comment chaque seconde et chaque détail qui est à l'image était déjà écrit et tout était anticipé. Et ce mec-là est un génie. Pour moi, Baby Driver, c'est son meilleur film. Et c'est le film de la maturité. Est-ce qu'on peut l'appeler ça comme ça? Après sa trilogie Cornetto, constituée de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui était déjà une monstrueuse trilogie. Mais là, il arrive avec son premier film personnel. Vraiment, on sent que ça lui tenait à cœur, surtout où il vient. C'est le film qu'il a écrit tout seul. C'est ça, qui est surtout écrit en réaction à Ant-Man, le projet avant. Porté chez Marvel, qui était en développement depuis pas loin d'une dizaine d'années, qui était en développement sur ce film-là avec Marvel. Mais Baby Driver, c'est aussi un projet qui lui tenait à cœur depuis très longtemps. Mais du coup, il est en réaction surtout à Ant-Man, du coup, où il avait besoin vraiment de se remettre sur un projet vraiment qui lui tenait à cœur. et ça se ressent dans chaque seconde de la pellicule de ce film, quoi. Et moi, ça m'a vraiment bouleversé. Et voilà, je conseille énormément ce film à quiconque s'intéresse de près ou de loin à la grammaire cinématographique. La première fois qu'on a vu ce film, Edgar Wright était dans la salle. Était tout à fait présent au Forum des Images. Et oui, parce qu'on a réussi à avoir une place pour cette séance. Grâce à qui au cliqueur fou. C'était le plus beau jour de ma vie. C'était formidable. Edgar Wright en vrai qui nous a présenté le film, et c'était vraiment exceptionnel. Il y a une séance de questions-réponses qui était très intéressante. Et puis même, tu t'écoutes juste la BO du film dans ta voiture, ça te fout une patate, mais d'enfer. T'as envie de braquer des banques. C'est terrible. Braquer des banques. La BO du film, la contrebande. Si, si, faut casser les banques. Ah bah oui, Ruffin, on a le community manager de François Ruffin. C'est la même personne. C'est vrai. Bref, voilà, donc je vais terminer. Oui, okay. Baby Driver, pour moi, c'est vraiment le très très. Et surtout, il y a le Blu-ray qui est sorti il y a quelques semaines, qui est formidable parce que, le connaissant le côté maniaque du bonhomme, il nourrit énormément ses Blu-ray d'énormément de bonus. Il y a notamment deux commentaires audio, un de lui tout seul et un autre où il est accompagné de son directeur photographie, Bill Pop. Qui est un énorme chef-op qui a fait énormément de gros blockbusters des années 90. C'est le chef-op de Sam Raimi notamment. C'est ça, Sam Raimi notamment. Et Sam Raimi. Et il a bossé pour les Wachowski aussi. Tout à fait. Tout à fait. Là, il a bossé. Je crois que c'est lui qui a fait Matrix notamment. Et Speed Racer aussi, il me semble que c'est lui. Donc c'est un monsieur qui a un petit CV sympa. Un petit CV tout à fait sympathique. Il a fait des images marquantes. Et du coup, ce commentaire audio est tout à fait fascinant parce qu'il n'est pas avare en détails et anecdotes plutôt cool sur le film. Plutôt croustillante. Plutôt croustillante. Tout à fait. Voilà, c'était donc mon top 3. Ton top 3. Très bien. Top 3. Top 3. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour un top 3? Allez, Lucas. On te sent. Allez, Lucas. Ça fait 10 minutes qu'il dit plus. C'est un peu en galère toujours avec lui. Je sais pas si c'est pas ce gars qui est en train de l'attaquer ou quoi. On s'entend un peu en galère. Je vous écoute parler avec passion et du coup, je vais devoir virer ces 3 films de mon top 3. Sinon, on va se. C'était ton top 3? Sinon, on va se répéter. Non, c'était pas mon top 3. Juste sans vouloir te froisser, j'ai trouvé Baby Driver super bien. Mais pour moi, c'est pas le meilleur film des Edgar Wright. La maturité, oui, je pense qu'il a depuis longtemps. Mais non, j'avoue, je préfère toujours Shaun of the Dead. Shaun of the Dead et le travail sur Scott Pilgrim, que je trouve fascinant. Et j'adore Hot Fuzz, mais Shaun of the Dead, c'est. Ah, moi aussi, c'est oh là là, les frissons. C'est dingue. Pour le coup, tu vois, Baby Driver, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Mais pour moi, c'est plutôt, même si c'est sa maturité, petit exercice. Enfin, petit, non. Bel exercice de style. Très bel exercice de style. Magnifiquement accompli. Un travail titanesque, mais que je mets justement en parallèle. C'est une catégorie. Tu vois, je le mets à côté, quoi. Bon. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire après, par contre. Tout à fait. Je sais pas ce qu'il va faire après. La suite de Baby Driver est dans les tuyaux, mais il serait à l'écriture. On fait un réalisateur, parce que je pense que la suite de Baby Driver. Ouais. Ouais, bah, ça a été un gros carton de l'été. Oh là là, gros carton surprise, c'était très bien. Comment il va faire Teenager Driver. Teenager Driver. Celle-là, on la coupe en montage, le Teenager Driver. Non, mais c'est vrai que c'était très beau de voir les enfin de voir ces réalisateurs qu'on. Enfin, j'imagine que vous aimez bien. Je sais pas, même Nicolas Winding-Refn. Enfin voilà, enfin, de voir des réalisateurs un peu qui ont des formes assez marquées se réapproprier des films de série B, genre Driver ou autre. Voilà, bref. Mon top. Allez, en fait, là, j'ai une liste de plusieurs films. Je suis sûr que j'en oubliais plein. Il va falloir que j'en choisisse. Oh no. Il y avait Monster Calls aussi. De Bayona. On va réentendre plusieurs fois. Évidemment. Mais du coup, ce sera l'occasion aussi de parler d'autres petits films si jamais on s'en fout. Alors du coup, là, je mets de côté Taxi Driver, un film coréen qui est passé au FFCP, qui était. Exactement. Mais non, j'ai raté. Super, super. Il y avait l'air très bien. Avec son Kanko magnifique, qui parle du soulèvement démocratique en 87. On a un peu bu là. Ouais. Du soulèvement démocratique en 87 en Corée. Il y avait Coco aussi qui était là, mais Coco, du coup, je vais pas le retenir. Une super super 3, film déjà. De Pixar. C'est long, ouais. Tu peux. Alors en fait, je vais retenir un film d'un réalisateur, d'un immense réalisateur que je porte moins dans mon cœur que certains autres. L'attention est palpable. C'est Silence. Et c'est que le troisième. Ah oui. Silence de Scorsese. Chose qu'on sait pas. Qu'on aurait pu oublier parce qu'il est sorti au mois de janvier, je crois, ou au mois de février. Début d'année. Je veux pas. Quelqu'un peut en parler, je veux juste parler de quoi ça parle mieux que moi. c'est deux moines. Alors, je sais plus exactement à quelle époque c'est, mais c'est avec Andrew Garfield et avec Adam Driver, qui sont deux moines qui sont chargés de partir. Qui sont deux moines qui sont chargés, deux moines catholiques, qui sont chargés de partir au Japon. Alors, c'est le Japon, c'est la fin du Japon féodal. Je crois que c'est au 17e siècle ou 18e, un truc comme ça. Et donc, en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie, qui ont été au Japon et qui se sont fait complètement persécuter par les Japonais qui n'y croyaient pas du tout et qui disaient vous êtes gentils avec vos religions, mais vous allez copieusement vous faire voir et puis on va vous torturer au passage. Et c'est une espèce de c'est un film qui dure 3 heures et c'est une espèce de grande réflexion sur effectivement ce qu'est la croyance et sur les différentes façons de manifester sa religion et comment fondamentalement elle évolue et notamment ce qui est assez marrant dans le film c'est que le titre le silence ne cesse de changer de sens au fur et à mesure et de vraiment prendre des significations différentes et de faire un va-et-vient justement sur la question de la religion. Et j'en parle parce que moi, il est dans mon top 3, donc d'accord. Je suis fait griller par mon ami Lucas. C'est mais, pour ça que je me suis retourné vers toi parce que. Et c'est un film, c'est un film qui est pas facile parce que c'est 3 heures. Tu vois quand même des mecs se faire torturer. Scorsese, il pète le dos de la cuillère, donc tu vois tout et c'est d'une cruauté absolue. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que tu vis cette épopée avec les personnages-là et moi, c'est con, mais c'est la fin de 2017 qui m'a marqué, c'est-à-dire que je suis sorti du film des fois tu vois des films tu te dis attends c'était quoi le plan de fin et tout, là la scène de fin de Silence elle m'est restée mais toute l'année et je trouve qu'en fait elle est c'est un film qui est notamment en rapport avec toutes les thématiques qu'on a aujourd'hui sur les religions, c'est la peur de l'autre religion, la peur de l'islamisme, des musulmans. C'est l'alcool qui parle. Fait cher. C'est 60 degrés là. C'est ça. Non mais tu vois sur la peur de l'islamisme ou même du christianisme dans l'autre sens, etc. Ouais, et sur la peur du fanatisme. Dans Star Wars un peu comme dans Star Wars 7. Tu peux éviter de parler de films de merde quand je parle de silence. Et non, mais en fait, c'est un film qui arrive à avoir plein de raccords avec l'actualité et qui, je pense, est un film qui vraiment met en perspective plein de thèmes actuels, même si, effectivement, c'est un film d'époque, etc. Et c'est dingue, c'est de voir Scorsese qui sortait du Loup de Wall Street, donc film super énergique où le mec, tu dis, putain, il a quand même plus de 70 balais, il tombe ça avec une patate délirante. Et ouais. Là, il s'inspire vraiment. C'est un mec qui est dans le cinéma japonais, il en a toujours parlé. Et en fait, il a réussi. Il s'inspire évidemment des grands maîtres japonais. Mais il a réussi à remettre sa patte là-dedans et à faire un film où justement, quand tu penses à Scorsese, tu penses à un mec qui te met constamment des montages avec les Rolling Stones, etc. Et là, c'est un film où je crois qu'il y a quasiment pas de musique dans le film. Et ça marche super bien. Et c'est marrant de voir un maître du cinéma, un génie comme ça, qui vraiment en parle aussi très bien. Il dit, j'ai dû reprendre mes gammes à zéro et voir comment, en fait, sans mettre de musique, j'arrivais à construire ma mise en scène en m'inspirant des bruits d'ambiance, etc. Parce que ça se passe dans un Japon où il y a quand même très peu de construction, donc c'est toujours dans des grands paysages, etc. Oui, c'est le Japon. Le Japon old school, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Vraiment, le côté sombre japonaise est vraiment présent dans les cadres, notamment. Il y a une scène au début du film qui se passe dans la buée, enfin dans la fumée, dans une espèce de brouillard où les gens sortent tels des silhouettes et c'est juste à tomber par terre. Et ouais, non, c'est pas un film facile parce que voilà, c'est quand même des mecs qui se font torturer. Le film va marcher au cinéma. Ah non, mais c'est. On parle d'un film de 3 heures sur la religion, des mecs se font torturer. C'est pas le truc le plus bandant du monde. Non, mais pour Scorsese, enfin. Ouais. On s'imagine pas forcément que un film de Scorsese va pas marcher. Oui, c'est pas mon cas, heureusement, mais tu vois, c'est beaucoup moins vendeur que DiCaprio qui va sniffer de la coke pendant 3 heures, voilà. Mais c'est un film hallucinant, vraiment, c'est une expérience incroyable, quoi. Malheureusement, je pense c'est vraiment un truc qui est fait pour être vu sur grand écran, parce que c'est pas le truc que tu mets sur ta télé en mangeant une pizza devant, quoi. Et j'intime les gens de le voir dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est vraiment grand. Voilà, t'en penses quoi, toi, de silence, Lucas? C'est parfaitement résumé. Je me suis étonné d'apprécier le film parce que bon, j'ai moins la foi que Martin Scorsese. Et puis la mise en scène de la foi, du fanatisme, de la religion de cette façon-là, elle est pas si souvent que ça mis en scène au cinéma. Les gens se rappellent de quand Mel Gibson avait fait La Passion du Christ, qui avait été ultra décrié, etc. Là, j'avais peur que ce soit trop lourd. Ça l'est, en fait, parce que Scorsese, c'est quelqu'un qui a un rapport à Dieu très particulier dans tous ses films. Là, c'est le sujet principal. J'avais peur que ce soit insoutenable, difficile à regarder, mais non. Il arrive à dépasser tout ça et à en faire quelque chose toujours de très intéressant, aussi bien dans le fond que dans la forme. Donc, non, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. J'avais aussi Billy Lynn d'Ang Lee, que j'ai trouvé extraordinaire, que je regrette de ne pas avoir pu voir une deuxième fois. Au cinéma. Je pense qu'on aura un jour une bonne projection. Ça va, ça arrivera. Je ne sais pas quand, mais j'ai confiance. 15 ans peut-être. Ouais, j'espère. Et sinon, un film que j'ai vu 3 fois au cinéma, ça m'arrive très très rarement, Je l'ai vu une fois en voyage scolaire au festival de Berlin où j'étais avec mon ami William Cotin. Et je l'ai revu une deuxième fois, plus une troisième fois. Plus une troisième fois à Paris. C'est le dernier film de James Gray. Il me semble qu'il était dans Tintin Impossible. The Lost City of Z. Très beau film. Que j'ai trouvé. Ahurissant. Ouais, j'avais peur. Moi, j'avais peur. James Gray, j'aime beaucoup. Et je me suis dit, oulala, James Gray, il sort de Little Odessa. Ouais. Il sort de la banlieue de New York. Il parle plus des gens qu'il connaît, des juifs polonais, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se perdre, il va dans la jungle, etc. Et puis, tout de suite, il y a des points de comparaison avec Coppola et Apocalypse Now ou Werner Herzog, etc. Et non, il fait un film magnifique sur l'obsession, sur un mec, effectivement, un militaire anglais. Percival Fawcett. C'est exactement tiré d'une histoire vraie. Et en fait, j'avais aussi très peur parce que grand malade de James Gray à l'époque, enfin toujours autant, hein, je suivais de près tout le développement du film, l'histoire avec Brad Pitt, il le fait pas, etc. Et j'avais peur que le film ne voit jamais le jour. Et quand je suis allé voir le film, j'avais peur de ce que ça allait être. Et c'est fascinant. Charlie Hunnam, que j'appréciais pas forcément plus que ça, j'avais vu un peu la série. Je suis pas mal, je suis pas un immense fan non plus. Ça a dû être Benedict Cumberbatch après Brad Pitt, etc. Brad Pitt qui est juste producteur, du coup, avec plein de B. Ouais. Et du coup, je crois que Brad Pitt est quand même avec plein de billes, ouais, avec sa boîte de prod. Il reste producteur. Oui, mais il se fait plaisir. Mais tu sais, Terrence Malick, il produit un peu qu'il a envie de. Qu'il a un peu, oui. Et donc, l'histoire de. Les acteurs, Robert Pattinson. Sienna Miller qui est folle. Tom Holland qui est génial. Donc, l'histoire de ce mec-là qui est obsédé par cette cité qu'il veut absolument découvrir et qui retourne et qui revient, un aller, un retour. C'est tout le problème, c'est qu'il y a du. On ne sait pas. Ouais, j'ai pas envie de trop spoiler, ouais. Non, mais s'il part, il revient, c'est qu'il trouve rien. En fait, il s'obsède à y aller pour chercher cette ville, quoi. Je pense qu'un truc à noter, c'est la photo de. Darius Kondji qui a tombé par terre. Ah, la photo, elle est mal. Il est au sommet, ce mec. C'est incroyable, ce film. Et... La photo est magnifique, puis après James Gray a une façon de composer ses cadres qui est d'une poésie sans nom. Je trouve vraiment aucun défaut au film, peut-être une ou deux petites lourdeurs par rapport à quand il parle de la société anglaise, effectivement, de l'aspect patriarcal de la société, de la place des femmes. Il y a une ou deux fois où j'ai trouvé qu'il était un peu maladroit, où il répétait dans les dialogues des choses qui étaient déjà présentes dans l'image, que je trouve un peu dommage, mais sinon tout le reste. Tous ces mecs-là, tout ce que ça dit des sociétés, de la condition d'un individu qui veut dépasser son bagage familial, parce que c'est quand même le. Moi, si je dis pas de conneries, dans le film, son père, il a des antécédents de joueur, etc. Il a le poids de sa famille, ouais, voilà. Et c'est des frissons, genre, ouais, le film, je sais que je vais pouvoir le voir et le revoir et le revoir. Mais je vais pas bouffer sur le top des autres parce que je pense qu'on a pas mal de films en commun. Je voulais en citer un, mais je sais que toi, tu l'as bien aimé aussi. C'est un tout petit film. En tout. On n'a que 4 films. Bien installé quand même. Alors je m'arrête. Voilà. Non, 5 films, pardon. À tout à l'heure. Non, il te reste un top. Il te reste. Il en a fait 4. Non, j'en ai fait 2. J'ai dit Silence et Lost City of Z, et le reste j'ai dit ce que je... Donc toi, ton film de l'année pour toi, c'est Lost City of Z? Je pense que mon film préféré, c'est The Lost City of Z, ouais. Silence, et je dis les autres que peut-être qu'on reparlera, mais que j'avais noté de côté. Il y avait Good Time, il y avait un petit documentaire qui s'appelait Carré 35 que j'ai trouvé fabuleux, que j'ai déjà envie de revoir. En ce moment en salle, en fait. Jackie de Pablo Larraín que j'ai trouvé. Moi, j'ai pas aimé. Que j'ai adoré. Tais-toi. Et La Planète des Singes, un super blockbuster comme j'avais pas vu depuis très longtemps. Le dernier de Matt Reeves. Ouais, La Planète des Singes 2. Un immense défi de production, quoi. Le mec, il a porté son film de A à Z. Il a tenu tête au producteur. J'adore les singes. Il a tenu tête au producteur qui voulait pas faire, qui n'acceptait pas qu'il fasse le film du point de vue des singes, comme il aurait dit. Il a dit ok, j'accepte moins d'argent, mais je fais le film quand j'ai envie de le faire. Et il l'a fait. Et le film, il a. J'ai pas les résultats par contre du troisième film. Vous savez s'il a marché? Ils ont fait 13 euros la première semaine. Après, ils ont fait demi-tarif. Après le réalisateur. Mais s'est je pendu, sais que les, je sais que les spectateurs. Les chiffres, mais... Je sais que les spectateurs américains étaient très très déçus comme beaucoup de spectateurs français, parce que le titre original c'était War of the Planet of the Apes. C'est pas la guerre qu'on voit pas. Et les gens étaient putain, mais la guerre, il n'y a pas vraiment la guerre. Ouais, voilà. Ils s'attendaient à voir des singes et des humains se tirer dessus à la AK-47. C'est ça qui se parlait. Ouais, voilà, donc c'était pas exactement ça. Mais peut-être quelqu'un en parlera du film. Peut-être. Non, bon, on peut en parler vite. En fait, quelqu'un l'a dans son top. Moi, je. Bah, dans mon top, mais je veux. Enfin, on est obligé d'en parler parce que c'est vrai que pour moi, c'était un blockbuster. Enfin, pour moi, 2007, c'était un océan de blockbuster de merde. Et enfin, La Planète des Singes, le troisième, du coup, il clairement au-dessus, quoi. C'était vraiment un film. Enfin, avec un projet de mise en scène, tout simplement, parce que c'est ce qu'on ne trouve plus dans les blockbusters aujourd'hui, enfin, avec un réalisateur qui apporte sa patte et son propos. Et c'était. Une performance technique a tombé par terre. Enfin, les singes, enfin, moi, il y a vraiment des plans où tu dis les singes, mais ils sont vrais, quoi. Enfin, t'as envie de les toucher. Enfin, c'est pas les plans, c'est trois quarts du film. C'est tout le film. Oui, c'est le film, en fait. Parce que le film a. Enfin, déjà, le 2 était ouf à ce niveau-là. Il se passe du point de vue des singes, c'était vraiment passionnant. Mais c'est vraiment parce qu'on a échappé de peu à un film horrible, c'est-à-dire que les producteurs exécutifs, les mecs en col blanc Hollywood, ne comprenaient pas ce que les gens voulaient voir dans La Planète des Singes. C'est-à-dire qu'ils ont fait le premier remake avec James Franco, le film a cartonné. Le film a cartonné et les producteurs se sont dit c'est grâce à James Franco, en fait. Ils se sont dit ça au début. Puis le deuxième film. Ah, les cons hein. Ils sont cons, ces producteurs. Il y a un peu de ça. Deuxième film. James Franco n'était plus là, on change de casting. Non, il y avait un bras moins. César est toujours là. Et pas de blague, non, sur Rosalie, non. César est toujours là. Non, tu comprends pas que c'est pas ce genre de blague qu'on fait là. César toujours là, James Franco plus là. Et le film fait deux fois plus d'entrées que le précédent. Enfin, j'exagère. Là, beaucoup what the fuck que est-ce que les gens veulent voir des singes sur des chevaux? Voilà. C'est quoi l'équation? La matrice de Radi, en fait, tout simplement, les gens sont attachés à l'histoire de César. Ouais. Et les gens veulent voir des singes. Et c'est toujours ce que les gens ont voulu voir, en fait, dans La Planète des Singes. Il s'est dit, le premier film, on l'avait fait du point de vue des humains. Le second, on a fait un mélange des deux. Et le troisième, je voudrais que ce soit entièrement du point de vue des singes. Bien sûr, ça va coûter plus d'argent. Parce que plus de singes à l'écran, plus de singes à l'écran, ça sera plus cher. Et donc, ça va être plus compliqué à faire. Oui, mais après, du coup, ils ont... Et en fait juste, et en gros, les producteurs, quand un film marche, en général, ils mettent deux fois plus de... Enfin, ils mettent plus de thunes. Plus ça marche, plus ils mettent de thunes en espérant gagner encore plus. Et là, ils lui ont dit, OK, tu fais le troisième à ta façon, mais avec l'argent qu'on t'avait donné pour le 2. Ouais. L'argent qu'on avait mis pour le 2. Et il l'a fait, et il l'a fait magnifiquement bien, avec des contraintes de dingue, donc de la mocap dans des décors réels, vraiment dans la forêt. C'est-à-dire de la mocap dans des hangars glauques. Non. Mais c'est vrai que techniquement, c'est impressionnant, mais le mec qui sait comment raconter son film. Ah non, les 40 premières minutes, je crois que t'as pas une ligne de dialogue. Ah non, mais moi, les premières minutes du film, dans le village des singes, en plus, cette scène de. C'est une scène de. C'est une scène de guerre au début, vu du dessus, le côté très. Ouais, en mode guerre du Vietnam et tout. Et après, toutes les scènes dans le camp des singes et tout, où tu vois juste cette vie. Ouais. Mais de voir les singes comme ça, que tu te dis qu'aucun n'est vrai. Enfin. Mais qui font. Enfin, moi, j'en aurais chialé. Non, mais c'est impressionnant ce. Je sais pas. On s'est dit, on a passé un cap quoi dans la représentation dans la 3D et tout que. Allez, dis-le. James Cameron, bien sûr. Sans Avatar, il y aura pas le Planète des Singes. Sans Planète des Singes, sans Planète des Singes qui sortit de là, il y aurait. Les prochains avatars qui sortiront ne ressemblera peut-être pas. Non, mais là, les expressions du visage, là, il y a un moment, il y a une mort d'un singe qui est. Enfin, bouleversante. Enfin, pourtant, ça en fait pas trop, tu vois, mais juste de voir. Un truc qui est assez marrant, justement. Le dernier souffle. C'est que c'est un film où, en fait, c'est un film qui est hyper poétique, qui ne cesse de parler d'histoire humaine, où on parle de camps de concentration, on parle d'exode, de déportation. Enfin, c'est un film horrible. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que tu t'identifies à ces singes, mais en 3 secondes 5 et plus bien que tous les acteurs humains du film. Et en fait, tu vas voir donc, La Planète des Singes, Blockbuster avec des singes, machin, et en fait, en 3 secondes, t'es dans l'histoire, t'es avec les personnages, et tu dis putain, mais. J'ai besoin d'aller voir un film avec des singes pour qu'on parle de moi, en fait. Et c'est un film qui est assez bouleversant. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un truc qui est assez fort, en fait. Et je pense que la déception aux États-Unis est due à ça. C'est qu'en fait, c'est un anti-blockbuster. C'est-à-dire qu'on vend une grosse bataille que tu n'as pas. En fait, non. Ouais. Et c'est un film qui. Le film est un vrai chemin de croix sur un martyr déchu qui ne cesse de faire face à ses erreurs et qui en fait fait face à ses démons et affronte ses pires travers. Le méchant qui est pas un méchant et qui a raison, banal. Le méchant il a des raisons qui sont tout à fait valables. C'est ça, il a juste génial, peur quoi. En fait. C'est un méchant qui a peur en fait, ouais, globalement. Enfin, c'est un film, peur de la mort. C'est un film qui est ultra angoissé, etc. Et c'est un chemin de croix quoi. C'est un film quasiment biblique. Mais en plus qui est hyper frustrant parce que dès qu'il y a une grosse scène d'action, tu te dis ça, il va se passer ça. Bah le mec te prend un verre et fait complètement autre chose. Et moi je me souviens la première fois que j'ai vu. Je dis, putain, mais c'est dur à suivre comme film, quoi. C'est pas un film gentil, on ne bronze pas dans le sens du poil. Et c'est des comic relief qui sont bien gérés aussi. Ouais, qui sont rares, mais qui sont utiles, quoi. Qui te permettent vraiment de souffler. Qui restent touchants malgré le côté comique du personnage. Enfin, c'est quoi, c'est un Bad Ape? Le Comment personnage ouais, Bad oui, Ape, Bad Ape, qui est génial, qui est vraiment super. Ouais. Enfin, pareil. Et les vrais acteurs, Woody Harrelson est très bien. La gamine, elle est. Joue le méchant. J'espère la revoir parce que la gamine, elle est fabuleuse. Enfin, l'actrice en elle-même, ouais, mais son personnage m'a un peu. Ouais, le personnage est peut-être presque trop. Ouais, très c'est ça. Quoi. Au final, Nova, je ne pas énormément, Nova. Je trouve, en tant que personnage tel par rapport à l'histoire. Mais c'est pour raccrocher à l'histoire originale, la planète des singes, non? C'est pas ça? Il y a un truc comme ça, moitié. Ouais, c'est quelque chose. À la fin, enfin, je sais pas si on spoil la fin ou je sais pas quoi, mais. Bon, essayez de pas le faire. Ouais, non, mais enfin, ça raccroche pas tant que ça. Ouais. Oui, il y a une fin à l'arc de César, mais on te vend pas une connexion avec le prochain film original. Non, mais je sais que le personnage de Nova, c'est que tu en fin de compte. Oui, voilà, oui. On s'en fout d'avoir c'est complet et indépendant, ça suffit à ça clôt l'arc de la trilogie, et ça suffit. Dans Canot Top, on a beaucoup parlé. Comme quoi, ça arrive des films de blockbuster où on laisse un peu la main au réalisateur, où ça fait au final une trilogie qui se clôt bien, tout bien propre. On laisse de licence, machin. C'est un Mad Max à part, mais Mad Max c'est un peu différent. Je pense que c'est le meilleur revival de licence. Ouais, puis il y a des singes qui parlent. Ouais, et qu'on est shotgun, putain de merde. Non, mais ouais, non. Quentin, t'avais l'air. Non, t'avais un. Non, là on en était. Ouais, à toi. À moi ? Ouais, vas-y, Quentin, parce que, en fait, on citera après les films un peu. Hors top. Alors bah moi dans mon top, j'ai quand même des similitudes avec ce qui était cité avant quand même. Enfin, genre quelques minutes après minuit, Baby Driver, mais j'ai surtout moi un film qui m'a énormément marqué, c'était Okja. Ouais. On parlait tout à l'heure des films Netflix. Oui, un film du coup qui a fait quand même sa grosse polémique parce qu'il a été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes. Malgré le fait que c'était une production Netflix, donc qui ne sortait pas au cinéma, alors qu'à Cannes, on parle de cinéma. Et que moi, c'est un film que du coup, quand je l'ai vu, j'ai adoré ce film, et je suis sorti d'une énorme frustration parce que ce film-là n'a pas sa place sur Netflix. Mm-hmm. Il est à sa place au cinéma parce que c'est un film avec de grands spectacles. Enfin, ce film-là, moi, j'ai vu du Spielberg de l'époque. Enfin, c'était magnifique à voir. C'est un film beau et qui porte un vrai message écologique et qui est terriblement épique parce que enfin vous l'avez vu tout ce film, la scène de course poursuite dans le merci la scène de course poursuite bah, c'était une question, enfin tu pouvais répondre oui, c'est pas je l'ai pas vu, tu peux répondre oui, il demandait l'autorisation de raconter. voilà donc on se l'est pas vu, suivant. Alors attends William, tu me dis. Non mais c'était, enfin il y a quand même la scène de course poursuite qui est dans le premier tiers qui est absolument phénoménale, enfin en plus avec une musique des Balkans qui sort on sait pas où mais qui est magnifique, enfin et qui avec un aussi porté par un casting assez dingue, enfin Jack Gyllenhaal qui est complètement hystérique, je sais plus, Tilda Swinton, comme à son habitude, comme toujours, on la refait plus, mais voilà, moi c'était vraiment Okja, moi c'est un film qui m'a bouleversé cette année, enfin moi je suis ressorti en PLS de ce film, enfin la fin est terrible, oui c'est pas un film qui te rend presque végétarien, enfin moi depuis quand je regarde non plus, maintenant quand je regarde un steak, je vais reprendre deux fois quoi. Enfin voilà, il y avait Okja. Ensuite, aussi du coup, vu qu'il y avait des films en commun, je peux peut-être pas en citer d'autres. Il y avait Logan. Hein, Logan, ouais. Enfin, Logan qui est quand même un blockbuster qui a des burnes. Logan, c'était le dernier film avec Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Réalisé par James Mangold, qui s'était notamment démarqué pas pour le combat de l'immortel, soit le deuxième film de la saga Wolverine, mais pour c'est pas difficile. Ah merci, mais c'était pas terrible quand même. mais surtout pour Walk the Line, le biopic de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix. Copland fin 90 avec Stallone, qui est incroyable. Mais du coup, ouais, bah, le film. Mais du coup, qui est un film où là, bah, la Fox, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, ils se sont dit, vas-y, on fait ce que vous voulez. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ça donnait un putain de film. Enfin, pour moi, le meilleur blockbuster depuis Mad Max, quoi. C'était un film de super-héros qui a un vrai projet de mise en scène, une vraie histoire, une vraie caractérisation des personnages, une vraie fin. Un côté film de super-héros crépusculaire. Oui, crépusculaire. Un film déprimé. On n'a pas les attraits par. En fait, on parle d'un film de super-héros qui n'est pas un film de super-héros. Enfin, parce que c'est un vrai film de cinéma pour moi. Enfin, voilà, c'est, Un film de super-héros, ça peut être un film de cinéma. Ouais, tu vois, mais ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que y a, juste pour ça que je pense que, après, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais le côté crépusculaire, il y a quand même les atours d'un film de super-héros. Oui, bien sûr, ouais. Et on a quand même des scènes de baston avec des gros méchants, des super-pouvoirs, des machins. Il y a un côté western. Et un côté complètement western. C'est pour ça que crépusculaire. Enfin, tu vois, c'est aussi parce que c'est dans le même veine que. C'est l'influence, de toute façon. Ils sont ultra influencés par un. Merde, c'est non, le film de Clint Eastwood, Gran Torino. Impitoyable, merci. Mais c'est impitoyable, impitoyable. Donc le dernier grand western crépusculaire de Clint Eastwood, c'est une influence revendiquée, quoi. Ouais. Et puis ce côté où pour la première fois, on te fait le truc comme HeroCorp de dire que les comics existent, les comics X-Men existent, les figurines X-Men existent, et elles ont cette valeur d'écrire la légende, en fait. Et vraiment, on se gêne pas à te faire des références à l'univers en te disant, écoute, tout ça, c'est fini, on va mourir, et il y a un Logan et un Xavier mourants, tous les deux. Xavier, il est génial. Et puis c'est leur dernière escapade, et puis on s'en fout. C'est les deux potes des premiers films qu'on a commencé à regarder. Enfin, nous, du coup, on fait passer cette génération-là qui a découvert ça au CP. Enfin, je sais pas. Les premiers X-Men de 2000. Et de voir ces deux potes finir la route ensemble, c'était magnifique. Enfin, Hugh Jackman, il se lâche enfin dans ce rôle. Ouais, et puis même Patrick Stewart qui est vraiment en mode. Non, puis c'est con, mais c'est. Quand on se dit que c'était le dernier film de Hugh Jackman en Wolverine et qu'après ça la Fox rachète Disney, enfin voilà, toi c'est vraiment une ils ont fini au bon moment et on le précisera jamais assez. Enfin voilà, il y avait Logan, c'est au-delà de la relation effectivement entre Xavier et Wolverine. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est le rapport la petite fille et les enfants, en fait, parce que ça raconte toujours les nouvelles générations, en fait. Pour moi, c'est un film quasiment qui parle que de ça, la transmission, des gens qui veulent protéger la nouvelle génération, qui est une génération complètement perdue. Si certains effectivement se droguent ou deviennent violents, etc., on les invite plutôt à croire, en fait, pas en des idoles, mais à croire en eux-mêmes. Effectivement, toute la fin du film, avec le délire juste avec le symbolique du X, etc., qui se retourne, je trouve ça magnifique. Et puis, effectivement, la mise en parallèle est tellement facile avec tout ce qui est. Moi, je pense tout le temps, tout le film, au djihadisme, tu vois, des gens qui se jettent à corps perdu là-dedans. C'est créer des armes, et Wolverine est l'exemple de ça aussi, c'est que c'est une arme. Le personnage de Wolverine est un mec qui est complètement brisé, qui est une bête sauvage qu'on a créée en labo pour tuer, et genre on l'a vidé pour tuer, et du coup c'est ce mec là qui est l'anti-héros par excellence, et le mec qui s'embête pas à faire des leçons, quoi. Enfin, genre il préfère mettre un coup de tête et parler après, et c'est lui qui va être le transmetteur, et de toute façon c'est ce qui marche toujours bien, hein, de faire de ces mecs là ceux qui vont transmettre à la fin. Oui, en fait, bah justement, des confrontations qui ne connaissent pas, parce que ce qui est assez marrant au début du film, c'est que la gamine, ça le fait chier, quoi. Ouais. Putain, je dois me traîner ça. Puis en fait, il voit qu'effectivement, elle a des petites griffes et des petits trucs. Mais c'est marrant, enfin, c'est une relation dysfonctionnelle au début. Et c'est un postulat qui est de toute façon amené à être super touchant naturellement. Oui, voilà, et puis ça marche quand même. Enfin, je veux dire, ça marche pas mal. C'est comment ça va se passer. Après, j'ai quelques réserves sur la deuxième heure de film que je trouve un peu trop bourrin, et beaucoup moins subtil que la première. Mais, Moi, c'est les méchants. Je trouve qu'il y a un vrai problème de film de super-héros sur les méchants. Mais, voilà. Dernier top, vous allez un peu me chier dessus, je pense, parce que c'est pas vraiment un film. Mais je vais faire mon petit. Ça y est, ça lance la polémique. Oh là là, oh là là, oh là là. Du cinéma, mais moi, genre, j'ai vraiment envie. Parce que je trouve que surtout qu'on a passé par les séries, c'était la saison 3 de Twin Peaks. Oh là là, non, oh mon dieu. Non, mais c'est la saison 3 de Twin Peaks, pour moi, qui était un objet audiovisuel de cette année qui m'a bouleversé. Enfin, pour moi, c'était vraiment un truc exceptionnel. Oui, la série, bien sûr. c'est ce que je viens de Merci, dire. Merci, Lucas. Non, mais oui, mais la saison 3, du coup. Je sais pas si vous avez regardé ça autour de vous. Moi, je l'ai vu. Vous avez pas regardé, mais je sais pas, mais pour moi c'était vraiment non, tout. Non, non, on va passer. Allez, alors. C'était non, mais non, je coup, moi j'ai pas The Leftover, c'est The Deuce. Mais non, mais c'était un objet exceptionnel parce que c'était, du coup, c'est comme David Lynch, c'est comme un cinéaste très iconique qui a repris sa série, qu'il avait, donc il a fait deux saisons il y a 25 ans et 25 ans plus tard il a relancé saison 3. Et je pense que c'est vraiment un truc qui était important parce que c'était vraiment esthétiquement parlant, c'était vraiment une claque phénoménal, même ça portait un message politique, humaniste, face par rapport à l'Amérique des années Trump, enfin je dis des années Trump parce qu'il vient d'être élu, mais c'est ça anticipait déjà le truc bien. Quoi. C'est, mais du coup moi j'avais envie de citer ça parce que c'était vraiment un événement unique cette année à la télévision, dont et on en fait, on dont on en voit très rarement. Ben, il est 1h30 du matin, j'en suis un peu, merci. Il y a bientôt plus de pastaga. Mais voilà, je parle à un truc dont je tiens et du coup là on brise le truc là. C'est, bref, Twin Peaks saison 3, merde, regardez ça parce que c'est vraiment, c'est exceptionnel. Enfin moi ça m'a bouleversé, c'était magnifique. C'est un film, enfin faut voir ça comme un, enfin c'était vendu comme un film de 18 ans en fait. Ne regardez pas ça pendant 18 heures d'affilée. Enfin, ne regardez pas ça pendant 18 heures d'affilée. Mangez, buvez de l'eau. Faut manger entre temps. Oui voilà, mais regardez ça, c'est exceptionnel. Enfin en fait ce genre d'objet, je ne sais, pour moi il y a plus de frontières. Série, cinéma, c'est. Oui, c'est un objet. C'est un objet. Un ovni, je sais pas quoi. Il considérerait ça comme il traiterait un film, je pense. Oui oui bien sûr. Mais c'était vraiment. C'est hallucinant. T'as 18 épisodes, putain, il faut y aller. Hein. Ah, mais non, mais c'était. Mais c'est un truc qui. Parce que c'est pas. Enfin, maintenant, en ce moment, on est en mode de remake, reboot, de trucs iconiques des années 80-90. Et qui, au final, racontait la même chose qu'avant. Et dans, pour ramener un sentiment nostalgique, alors que lui, il s'est ramené avec son truc qu'il a fait dans les 90. Mais là, sauf que il a pris tout le monde à contre-pied, à contre-courant. Et c'est pour ça aussi que, que je trouve qu'il faut en parler. Parce que c'est la seule personne qui a ramené un truc iconique des années 90 et dont il a fait complètement autre chose en fait. C'est ça qui est passionnant, je trouve, dedans, dans sa démarche. Très bien. Voilà. Très bien, c'est quoi Twin Peaks mais la série la The Return, le film de 18h. Oh là, putain, je suis perdu. Ouais, mais faut boire et manger entre temps, c'est tout. Jean-Victor, ah oui, ton top. Mon top, alors moi j'ai un problème, c'est que mon top, tous les films sont déjà passés. Ouais, on les a tous donnés. Voilà, parce qu'on a parlé de Quelques Minutes Après-midi, on a parlé de The Lost City of Z et on a parlé du premier qui était Silence. Donc je vais parler de mon top 4, histoire d'en caser une. Moi j'ai un film que je sais Lucas voulait en parler, un truc qui s'appelle The Young Lady. Alors que c'est la jeune femme pour les pas bilingues. Exactement. Et en. Lady Macbeth. Je suis sur la traduction, ça tombe bien parce que oui, la VO c'est Lady Macbeth. Et en fait, ça, alors si je corrige moi, je crois que c'est au 19e siècle ou 18e, je sais plus. Et en fait, c'est une Anglaise qui se fait acheter et marier de force dans une famille. Et en fait, voilà, ça commence de façon plutôt cool. Canada Dunkerque. C'est ça, tu vois. Et donc voilà, elle se fait acheter et marier de force. Et coup de bol, entre guillemets, pour elle. Son mari n'est jamais là parce que monsieur est un homme d'affaires. Et donc, elle se fait chier comme un rat mort dans sa grande ville villa noble. Et en fait, petit à petit, elle va décider de se retrousser les manches et de faire la vie qu'elle veut, de mener la vie qu'elle a envie de mener. Et elle va foutre le bordel. On peut pas trop en dire de peur de spoiler, mais c'est un film qui est déjà extrêmement bien foutu, parce que ne serait-ce que dans la mise en scène, c'est un mec qui s'amuse à faire des cadrages vraiment un peu la Barry Lyndon, super symétrique, etc., tout beau, tout noble, où en fait, elle, juste visuellement, en fait, c'est un électron libre qui vient foutre le bordel et qui vient casser les images juste par sa présence. Et il y a tout un jeu visuel là-dessus qui est assez fort. Et en fait, le film, déjà l'actrice dont j'ai oublié le nom, c'est Florence Pugh, je crois. Fausti. Non, alors c'est pas du tout. Florence Pugh. Elle a une je sais pas, une énergie, un charisme à l'écran qui est absolument hallucinant, et vraiment elle vampirise la caméra. Et en fait c'est un film radical qui est assez intéressant, parce que le rapport qu'on a au personnage change constamment, c'est-à-dire qu'on l'adore au début du film et après on l'aime un peu moins, puis on l'aime bien machin. Et en fait c'est vraiment un film qui en a rien à foutre de tes considérations morales et qui cesse de foutre des claques dans la gueule, et qui est vraiment, tu sors, tu fais putain, qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Et non, c'est vraiment un putain de bon film, quoi. Et bon, en plus, voilà, c'est une femme qui prend le pouvoir, donc en pleine année de féminisme, ça intéressera plein de gens. Et c'est, ouais, un premier long métrage. Hein. Ouais, c'est un premier film, ouais. Et c'est bien 19e siècle, réalisé par raison. Alors là, tu me poses le pardon. Holtzschreier, ça va. Yes. Ouais, on est bon. Je te dis ça tout de suite. Bah, attendez, je vais meubler. Parce que voilà. C'est William. Ouais, je crois que c'est Oldroyd. Encore à coucher dehors. S'il vous plaît, pardon. C'est William Oldroyd. Oldroyd. Très bien. Où est le nom et le prénom dans... c'est pas William, je pense que c'est le prénom. Ah, dans Chelland, ça fonctionne. Comment ça marche? Après, d'accord. Après, je parle ça en connaisseur. Mais... Oui, parce que moi, je sais que j'ai vu la bande-annonce du film au cinéma. Alors, le truc m'a pas du tout, alors pas du tout donné envie. Hein. Donc, c'est hyper dur de teaser le film parce que t'as peur de spoiler très rapidement. Quoi. Ouais, d'accord. Okay. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent. La promotion pour traiter très peu le scénario et voilà, donner une espèce de vague image de ce qu'est le film. Mais c'est assez difficile à vendre. Mais non, vraiment, foncer, c'est une petite bombe. Ouais, c'est Youngly dit. Ouais, j'ai pas pensé à ce film-là. Non, merci. Non, parce que pourtant je vois tous les films au cinéma, mais mais j'en ai raté que deux. Ah bah moi je suis content parce que aucun des films, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais aucun des sacré goût de merde. Personne. Les Teletubbies a bien marché. Moi. Putain, personne n'a cité épouse-moi mon pote. Quoi. J'ai chié. Aucun des films de mon top n'a été cité jusqu'à présent. Après c'est peut-être volontairement ou pas. Mais moi mon top 3, dans mon top 3 il y a The Square, Palme d'Or de Cannes. Pas le meilleur de Cannes. Oui. Un vieux doux. C'est vraiment bien. Non, mais non, bien sûr. De Ruben Östlund. J'ai beaucoup aimé. Force majeure. Le Snow Therapy. Snow Therapy. Ah, Snow Therapy. Je suis la fière, mais vraiment, de neige. Très bien. Je sais pas si c'est vraiment exactement ça. En tout cas, The Square, c'est un film qui parle du milieu de l'art contemporain. Alors, comme ça, enfin, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, pas spécialement en vrai comme film. Non, bah on peut. Non, mais je sais pas, moi c'était pas forcément un truc. Je dis bon, allez, mais je me dis, allez, je vais me forcer. En plus, on m'a dit que c'était plutôt une comédie, mais je me mets une comédie. Je me suis dit, j'aime rigoler au cinéma. Je vais pas aller rigoler. Ah bon. Il craque aussi. Et ben ça a marché, j'ai rigolé. Ah, c'est vrai, t'as rigolé, non, mais c'est vrai. Comment? T'as rigolé, c'est... Ah non, bien sûr, non, c'est un trait. Non, moi, c'est le casting qui me... Enfin, j'ai pas vu le film, mais bon, le casting, il y a Dominique West et... Terry Notaris. Et il y a Elisabeth Moss. Ouais. Elisabeth qui joue des tout petits rôles, par contre. Oui, tous ces mecs-là jouent des tout petits rôles. Le héros du film, je me rappelle plus le nom de l'acteur, mais l'acteur qui joue le premier rôle du film est très bon. Il joue un conservateur de musée, d'un musée d'art contemporain, et en fait... globalement, ça suit les tribulations de sa vie, en fait, de sa vie de conservateur de musée d'art contemporain, donc on n'a pas forcément l'occasion de connaître, et qui, en fait, ça, à la fois, ça déraille. Comment ? Sa vie déraille un petit peu, quand même. Sa vie déraille. Oui, bah en fait, c'est ça, c'est que sa vie déraille, il commence par perdre son portable, en fait, et puis à partir de là, ça part en cacahuète, il essaye de retrouver son portable. Il se le fait voler. Il se le fait voler, mais il essaye de... Donc au moment d'essayer de le retrouver, il se rend compte, il va aller mettre des lettres dans toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble où la géolocalisation de son portable indique qu'il se trouve. Voilà. Il va dans l'immeuble où son portable est censé être, il met des lettres de menace dans toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble. Et donc déjà, on s'imagine pas quand on va voir un film comme ça, parce que c'est tout ça, toute cette aventure de un peu burlesque, elle est entrecoupée de vie du monde de l'art contemporain, de la vie d'une expo qui s'appelle The Square, et en fait qui est une sorte de carré lumineux dans lequel tout le monde est égaux et tout le monde s'entraide. Et... Le nom The Square. Non, The Square, exactement. Non, mais c'est un film qui, à la fois, j'ai un peu de mal à en parler parce que je suis sous déjà et parce que JB parle par-dessus. C'est un film qui est à la fois extrêmement intelligent et qui, en fait, est très léger. Il se capte vachement bien. Enfin, ça donne un reflet de notre époque aujourd'hui. Ça incorpore dans le film tous ces éléments, la géolocalisation des téléphones, les réseaux sociaux, la presse, le rapport à la presse, le rapport, je sais pas, même. C'est un film sur l'hypocrisie, hein. Le rapport entre les gens, en fait. Qui sont dans l'art et donc qui sont dans une espèce de. Voilà. De haute idée d'eux-mêmes. Exactement, ce qu'on s'imagine de l'art contemporain. Et en fait, le mec, quand il se retrouve confronté à ce que l'humanité est réellement, ça voilà. des pauvres, etc. En fait, c'est un gros connard comme tout le monde, quoi. Voilà. Et moi, je trouve ça génial que le film, qui flingue quand même le monde de l'art contemporain, contemporain et, ouais. Et, voilà. Et la Palme d'Or à Cannes. Je pense qu'à Cannes, la séance devait être hallucinante, quoi. C'est ouais. Que les mecs devaient être là. Arrêtez de nous taper, s'il vous plaît. On vous donne la palme, on vous donne la palme. Oui, mais quelque part, il y a toujours ce rapport-là, comme il y a un peu avec les films qui gagnent l'Oscar du meilleur film, ou ces trucs-là, les films qui marchent dans les cérémonies, c'est aussi, par exemple, les films qui parlent du monde du cinéma et qui démontrent le monde du cinéma. Ouais, ça, on aime bien, tu vois. Enfin, genre, Cannes en prend. L'univers canois en prend plein la gueule, quoi. Ouais, c'est... ouais, mais il y a un côté défouloir dans ce film qui est ouais. Vachement intéressant. Puis il y a rien que pour cette scène de ouf avec Terry Notary, qui est un acteur de performance capture à la manière de Andy Serkis, ouais. Qui est moins connu du coup, mais parce qu'on voit, on voit pas au cinéma en tant qu'acteur de visage en fait. Enfin, on voit jamais son visage. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? À la manière d'Andy Serkis. Andy Serkis et les autres, c'est genre à la manière de Andy Serkis. Oui, ça va faire Andy qui imite Andy, c'est pas bref. Et Terry Notary qui donc du coup joue un singe en fait, mais un singe. Qui imite un singe, mais qui imite un gorille ou un bonobo, je sais pas, mais un gala d'amateurs d'art contemporain. Cette scène, voilà, est dans une sorte de resto, voilà, une grande salle de dîner, voilà, une grande salle, tout le monde est en smoking et tout. Et en fait, on fait venir, ouais, t'imagines ce genre de salle toute belle et tout. C'est la salle un peu prout-prout. Et là-dedans, on te fout en guise de performance artistique. C'est l'affiche du film, en fait. Hein. On te fout en guise de performance artistique. Ce mec qui joue un singe et qui est torse nu comme ça et qui arrive. Ouais, qui joue un gorille. Non, mais on te dit au début de la performance, t'as une micro qui dit attention, les singes sont très dangereux. N'essayez pas de vous enfuir ou ils vous poursuivront jusqu'à vous tuer. Enfin, tu vois des trucs comme ça. Et en fait, tu dis, tout le monde rigole gentiment jusqu'au moment où le mec il attrape des gens par les cheveux et tout. Il ne sort jamais, quoi. Il ne sort pas de son personnage. C'est comme si on avait fait venir un vrai singe dans le truc, quoi. Bordel dans la soirée, c'est incroyable. Et rien que pour cette scène qui te. Elle est scotchante, enfin, je sais pas, moi, ça m'a. Rien que pour cette scène, le film mérite d'être vu. Tu parles du film parce que tu dis que c'est très léger, alors que moi, je trouve que c'est un film qui joue sur le malaise. Ça, tout est malaisant. Ouais, mais léger dans le sens où. Dans ce que ça raconte. Quand on te dit que c'est un film sur l'art contemporain, qu'il a eu la Palme d'Or à Cannes, que machin, je trouve que le film est complètement abordable, en fait. Enfin, tu vois, il est. Ouais. L'humour du film est quelque part malaisant, mais léger. C'est un humour qui est super noir. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est un humour noir. Toutes les scènes, c'est. On va tirer. En fait, c'est un. Notamment cette scène-là, hyper représentative de ça. C'est que toutes les scènes, elles sont trop longues, et en fait, le fait qu'elles soient trop longues devient encore plus drôle, ouais. Mais parce que t'en peux plus. Mais c'est et ça. Et genre, la scène du singe, au bout de 20 minutes, à force de voir les gens péter un câble parce que t'as ce connard qui arrive et qui leur défonce ta gueule, et t'as tout le monde qui est en mode, on fait quoi? Parce que les gens ont peur, en fait, au bout d'un moment. C'est extrêmement gênant, c'est ouais. Hyper gênant. Ouais. Et le fait que t'es gêné finisse par te refaire, mais ça te regêne, enfin, c'est un enfer, quoi. Ah ouais, ouais. Et puis, il n'y a pas que ça. Enfin, il y a des scènes qui font éclater de rire. Enfin, il y a des scènes vraiment de comique. Une scène pure. Avec une capote, notamment. Voilà, une scène à capote pour qui va la récupérer. Post-scène de sexe, qui, pareil, c'est assez gênant. Ouais, parce qu'en plus, c'est en champ contre champ, on voit jamais les deux en même temps dans le champ, enfin bref, et avec du coup Elisabeth Moss et ce mec, et ouais, après du coup on sait qu'est-ce qu'on fait de la capote et ils sont là en train de tirer sur la capote, enfin bref, c'est entre autres Claes Bang. Bref, en tout cas The Square, ouais, très très très bon film que j'ai au final en plus vu il y a pas longtemps parce qu'il est resté très longtemps au cinéma et ma photo ne s'affiche pas. Ensuite en top 2, le top 2 de Willem, Get Out. Ah, Get Out, Get Out de toi, Get Out. Il était aussi dans mon top 10. Ah ouais, Get Out. C'est mon film aussi. Bah oui. Get Out de J'ai encore un trou, mais le mec. Jordan Peele qui a une pile, à chaque fois je confonds les deux. Exactement. Jordan Peele, c'est son premier film, je crois. Ouais. Qui du coup. Raconte l'histoire d'un. du coup, d'un. D'une fille. Qui emmène son copain noir chez ses parents sans leur avoir dit d'avance qu'il était noir. Donc on se dit, bon, ça va faire comédie romantique, sympa. Sauf qu'en fait, on se rend compte que la famille dans laquelle... De quoi ? Putain, mais je me dis jamais que ça va être une comédie mais non, romantique mais sympa. Mais tous ceux qui ont vu ne serait-ce que l'affiche savent que c'est pas ça. Et je dis, oui, figure-toi quand... Comment ? La chanson de Childish Gambino au début, c'est la chanson de, quand il se réveille sous la douche et tout. Ouais. Ce qui est une très belle chanson, parce que j'adore Childish Gambino. Voilà. Avec Glover, mais. Mais oui, là, on peut se dire que oui, ça va partir comme ça, mais effectivement. Non, oui, évidemment que non, on se doute pas que c'est une comédie romantique, mais je veux dire, il amène, et en fait, on s'attend pas à ce que ça vire complètement en film, en thriller, en film d'horreur, plus que thriller, même film d'horreur. Film d'horreur. Ouais, où en fait, on se rend compte que la fille emmène chez ses parents qui sont des. On va spoiler. Des gens non, on est déjà en train de spoiler en fait. On spoil ou pas? Là, là, là je pense. Enfin, bah. Au début de la vidéo, là, fait... si vous l'avez pas vu le film, vous pouvez être pas. Non, mais on fait quand même un bilan des films de l'année d'un film qui est sorti cet été. Mais c'est vrai que c'est un film, à partir du moment où tu dévoiles le truc, c'est un peu chaud d'en parler, mais c'est. Non, j'ai pas d'avis de sur la question. C'est construit comme un thriller psychologique. Ouais, voilà. Ce qui est marrant, c'est que oui, le mec, quand il arrive, alors t'as ses parents bien sous tout rapport. C'est une famille qui a en plus du blé dans une belle baraque, dans la campagne, machin. C'est ça. Oui, ils sont en mode, oh, vous savez, on n'a pas de problème. On adore Obama. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que le mec, tout lui paraît chelou et tout le fout mal à l'aise. Alors que les gens, ils sont gentils, tu vois, mais lui, il se dit, ouais, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui. Personne ne Putain, il y a un truc qui va pas. Et en fait, tu psychotes avec lui, quoi. C'est la feuille de parfait libéraux américain. Voilà. Et en fait. Mais là, c'est intéressant parce que là, on enregistre cet épisode de la cérémonie, enfin, au mois de décembre. La cérémonie des Oscars n'est pas encore passée. Du coup, avant les Oscars, il y a les Golden Globes. Et là, le film a été nommé. C'était au Golden Globe, ouais. Le film a été nommé de la meilleure comédie. Comédie. Alors, le truc, c'est que c'est intéressant parce que oui, le Jordan Peele, il est pas très. Ouais, je me redresse. Il est pas très. Il a lâché un de ses coussins. J'ai peur. Il a lâché un de ses coussins. Il est un peu ambigu parce que oui, il y a une part de comédie. Oui, c'est drôle, mais la façon dont le film a été fait, il n'a pas été fait que pour faire rire. Le film, il existe parce que. Pour parler des sujets, mais il arrive. Les mecs qui font Paranormal Activity, voilà, c'est produit par Jason Blum, c'est un peu son année, parce que oui, enfin, ouais. Il arrive à. Putain, je vois entre ça et Split, effectivement, c'est une bonne année d'un point de vue production, mais c'est ultra politique. Enfin, le film n'est quasiment que politique, il est extrêmement engagé, il reprend tous les codes du film d'angoisse, il les retourne un petit peu. Par rapport au protagoniste, et que le film arrive après tous les Black Lives Matter, etc., ça fait quand même sens. Donc oui, ça a dû lui rester en travers de la gorge que le film, bien sûr. Mais au-delà même du côté expiation et catharsis, au-delà du côté cathartique du film, parce que moi, quand je l'ai vu, quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur que ce soit juste « Ah, bien fait !» Vous là, non, il est beaucoup plus. Non, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil que ça. Ouais, bien sûr. Dans tout, dans la façon, ne serait-ce que d'aborder ça dans un genre comme ça, de presque du film d'horreur, du slasher et tout. On s'attend peut-être à un truc un peu gros sabot et tout, et en fait, pas du tout. Enfin, c'était la meilleure façon de le faire, je pense. C'était la meilleure façon de le faire parce que c'est à la fois très violent. Mais c'est très violent dans le propos autant que visuellement en fait et bon voilà, on essaie de pas spoiler, j'ai envie de citer des scènes, mais bon, après, pour rebondir sur, enfin, oui, c'était nommé dans la catégorie meilleure comédie, vous savez aussi qu'au Golden Globe, la catégorie meilleure comédie, c'est un peu la catégorie qui sert de fourre-tout pour les films on sait pas où foutre, parce que l'année dernière, c'était Seul sur Mars qui était dans la meilleure comédie, mais qui a gagné parce que je sais pas, c'était Ridley Scott qui revenait avec Matt Damon. Fallait qu'il gagne son. On parle quand même d'un film avec film poussé, des patates dans sa merde en écoutant du disco, tu vois. Genre. Non, mais c'est une comédie. Là, c'est peut-être, mais il y a plein d'autres exemples. L'année dernière, genre, c'est Seul sur Mars qui a gagné la meilleure comédie, alors que il a rien à foutre là-dedans, quoi. C'est pas une. Enfin, est-ce que c'est pas comédie dans le sens où c'est un film qui finit bien? Non, c'est parce que c'est juste la catégorie meilleure comédie des Golden Globes, c'est un tiroir, quoi, où on fout les films qu'on voudrait qu'ils gagnent un prix parce que voilà, ou je sais pas pourquoi, parce que c'est Ridley Scott là, qui était là. Il est vieux. Et qui, du coup, il a gagné, quoi. Et Matt Damon, je crois qu'il a aussi gagné l'année dernière le Golden Globe du meilleur acteur d'une comédie, pour Seul sur Mars, alors que. Là, ils abusent quand même. C'est pas très artistique non plus comme considération. Oui, donc on s'en fout, c'est clairement. D'ailleurs, Jordan Peele sur Twitter, après la nomination, il a tweeté, mais en fait, mon film, c'est un documentaire, tu vois. Après tout, c'est marrant, c'est quoi, il considérait justement le fait que son film soit dans la catégorie comédie, que c'était déjà du racisme en soi, et que ça faisait rire, du coup, qu'un film qui dénonce ça se retrouve là-dedans. C'est un mec qui vient du comique aussi, à la base, c'est peut-être pour ça qu'il était dans. C'est peut-être des mecs qui n'ont rien compris. Si vous nous écoutez, que vous avez jamais vu. D'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous avez jamais vu tous les sketchs de Key & Peele, c'est sur YouTube, ça se pissait de rire dessus, quoi. Notamment le Continental Breakfast. Ah ouais, c'est merveilleux. C'est formidable. Mon premier, parce que bon, après top 1, Number one. Très, disons que c'est peut-être parce que c'était la première claque de l'année que j'ai eue. C'est La La Land. Ah, t'es pas de la. C'est ça. Vous voyez la réaction que ça suscite quand même. Heureusement que je le mets dans le top. Ouais, non, La La Land, parce que en plus, moi, je suis pas fan énorme de comédie musicale à la base, mais comme beaucoup de gens, je pense. Enfin, au final, la comédie musicale, c'est un genre qu'on a perdu de vue un peu. Enfin, qui se, un peu comme le western, c'est des films que on n'a clairement pas grandi avec. Non, non, voilà. Et puis là, c'est un film du coup qui fait la somme de ça aussi, qui reprend. Les comédies qui s'inspirent complètement de toutes les comédies musicales à l'ancienne en les référençant clairement dans une scène de fin notamment, puis dans plein d'autres endroits du film. Toutes les scènes de danse. Hein. Comment ? Toutes les scènes de danse. Et, oui, bien sûr. Chaque plan limite est tiré d'un film. Quoi. Bien sûr, ouais. Et puis, en même temps, je trouve, arrive à raconter une histoire qui est pas si joyeuse que ça, Et rien que pour ça, ça parle d'une rupture amoureuse et de, en fait, des gens qui ont c'est une histoire d'amour, mais qui se finit pas bien, en fait, pas spécialement bien, qui se finit en blanc, un peu comme ça. Et c'est rare de sortir d'une comédie musicale comme ça, où on te fait des gens qui dansent dans tous les sens. Une scène d'intro incroyable. Scène d'intro très bien. Ryan Gosling et Emma Stone, vraiment dans les deux acteurs. Je pense que c'était le meilleur truc à faire en fait. Vraiment... Alors, excusez-moi, on est en train de dire que le top 1 de Williams, finalement, c'est Moonlight. Excusez-moi. Pas très bien. Mais effectivement, évidemment, ça a été aussi beaucoup critiqué le fait que ce soit pas des comédiens chanteurs et tout qui tiennent ces rôles-là. Et ouais, moi je trouve que ça donne une certaine fraîcheur. C'est un film qui, je trouve. Peut se revoir très très bien plusieurs fois. Enfin, je l'ai déjà revu, je pense trois fois depuis. Pour l'image, je trouve ça fabuleux les plans qu'il y a, notamment quand ils dansent après la fête là, avec au lever de soleil. Où ils sont tous les deux sur le banc. Magnifique, ça. Ouais, la chanson est très cool. Les images sont extraordinaires. La plus old school dans le genre comme musique. Voilà, la claquette. L'image est fabuleuse. C'est sûr que c'est une image naturelle. C'est surtout ça en fait le truc. Ouais, ils ont vraiment tourné dans ces conditions. Puis même leur voix, le fait que leur voix se casse un peu et tout. Enfin, je trouve ça. C'est ça que c'est moi je trouve qui était bon ensuite, parce qu'au final c'est des gens imparfaits en fait. C'est des gens qui se cherchent en fait. Qui se cherchent. Pendant cette dont on parle, enfin ils sont. Je pense qu'il y avait des gens qui reprochent au fait qu'ils dansaient pas très bien, mais en fait, s'ils dansent pas très bien, c'est parce qu'ils sont maladroits. Parce qu'ils se cherchent, ils se draguent, ils flirtent. Ils sont un peu gênés, quoi. Et c'est ça qui est beau, en fait, je trouve, dans cette scène. Je trouve que ça participe à ce côté moderne, en fait, paradoxalement. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et puis, ça. À la fois, c'est forcément très ciselé et très. Voilà, parce que ça reste quand même une comédie musicale très dirigée et tout. C'est Damien Chazelle, le réalisateur, on n'a pas dit. Celui qui a fait Whiplash. J'adore Whiplash. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vient aussi du milieu de la musique et tout. Et qui a aussi un propos très profond sur la musique que personnellement, je n'ai pas tout saisi parce que je ne m'y connais pas assez pour saisir toutes les subtilités sur le jazz et tout ça, par exemple. Mais voilà, en termes de rapport à la comédie musicale, voilà, ça m'a donné envie de revoir des comédies musicales, chose que j'aimais pas. J'ai été cueilli comme un petit fruit mûr. Tu t'es roulé dans les pâquerettes ? Non, parce que les pâquerettes, c'est pas Star Wars. Oui, oui. Hein, référence à l'épisode Star Wars. Très bien, écoutez, c'est le tour de nos tops. JB, t'as un top à faire ? Ouais, c'est ma bière. Non. C'est vraiment... Je viens de te le dire, c'est la mienne, je viens de l'ouvrir. Je vais te surprendre, oui. Moi, j'ai un film, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, justement, avec mon frère et Bastien. C'est moi. Kingsman 2. D'accord. J'ai beaucoup aimé. C'est tout. Je ne regarde pas non plus 6 milliards de films à l'année. Et j'avais extrêmement aimé le 1. Mm-hmm. Je trouvais, l'acteur n'était pas du tout connu, non, je crois, l'acteur principal. J'ai trouvé très très bon. Et dans le 2, ça dure 2h23, je crois. Tu ne vois pas du tout le temps passer. Tu crois que ça dure 2h23 Ça dure environ 2h30. Tu vois pas du tout le temps passer. J'ai passé vraiment un très bon moment avec ce film. Ouais, et puis c'est pareil en termes de film d'action. Moi, j'ai un peu moins aimé que le 1. Ouais. Pour le coup, j'étais content de revoir Kingsman au cinéma quand même. Ce qui est plaisant dans un film comme Kingsman, c'est que t'as affaire à un vrai blockbuster de sale gosse quoi. C'est que c'est un vrai film punk où fameuse scène avec Glastonbury où tu fais putain, ils vont pas le faire. T'as le plan avec machin et tout. Et c'est un vrai blockbuster d'action machin où il y a des scènes où tu fais putain, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça les mecs Est-ce que t'as plus dans les Marvel ou dans d'autres films quoi Mais c'est le côté, la branche d'adaptation de comics. PG-13, enfin non, rated R, carrément, pardon. C'est un film beaucoup moins violent que le premier. Mais ouais, ouais, ouais, mais il y a quand même des scènes de mecs qu'on met dans... C'est dans l'église, là, ouais, c'est... Voilà. Tu l'égaleras jamais, mais t'as toutes les scènes d'action, toutes les scènes de combat, je trouve, sont vachement bien faites. Et ouais, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. C'est l'intro, une course-poursuite dans Londres au début, où je trouve que pour le coup, le mec, en termes de découpage, il explose complètement. Le gars, ça devient du Sam Raimi, où la caméra fait à chaque fois des mouvements pas possibles pour accompagner la chorégraphie des mecs qui se foutent sur la gueule dans la bagnole. Et en plus, la scène montée sur Let's Go Crazy de Prince, c'est peut-être le meilleur hommage qu'on ait fait à Prince. Ouais. Et cette scène-là, et pour le coup, j'étais là, putain, si c'est ça, pendant 2 heures, c'est le chef-d'œuvre de l'année. Après, je trouve que le film a un peu trop la structure du premier, le méchant. Ça, c'est dans l'intention, machin, il y a pas mal de trucs. Il y a plus la fraîcheur du premier. Ouais, puis surtout, le scénario ressemble vachement à celui du premier, malheureusement. Mais non, mais après, il y a des trucs qui marchent pas, comme le fait de faire revivre l'autre. T'as les trucs qui marchent pas du tout. T'as un petit côté frustrant parce qu'on te vend la super idée du film, c'est que les Kingsman, ça part en couille chez eux et donc ils doivent faire copain avec leurs équivalents américains qui évidemment sont pas aussi classe et ont des méthodes un petit peu différentes. C'est le whisky. Voilà, c'est ça, le whisky. C'est le Statesman whisky. Et ça, c'est un peu frustrant parce qu'on t'expose de trucs, tu te dis putain, ça va être super cool, notamment tu vois Channing Tatum qui arrive et tu te dis putain, il va puer la classe, ça va être mortel et le mec il a rien du tout scène quoi. Ouais, et tu termines le film, tu fais pour une whisky drogue. Ouais, c'est ça. tu dis putain, je voulais voir Channing Tatum, mais on dit bah reviens dans le 3, putain de merde. Ouais. Donc t'as un petit côté frustrant, mais c'est un film qui a vraiment des bonnes idées et qui a une énergie qui a assez folle. Ouais, quoi. Ouais, c'est une énergie qu'il n'y a pas eu dans tous les blockbusters de cette année. Non, c'est clair. Pareil, les autres blockbusters qu'on avait autour, ouais. Ça reste quand même un niveau impressionnant. Pour finir sur Kingsman, il y a juste une scène que j'ai surkiffée. C'est le passage où donc Merlin, bon je vais spoiler un peu, tant pis, hein, marche sur la mine où il commence à chanter du John Denver. Évidemment. J'ai sûr qu'il fait cette scène où il se fait sauter pour faire. Bon, tous les gardes comme dans Gogol, ils viennent à 10 autour de lui, c'est qui lui? Et bon, et j'ai sûr qu'il fait on ce passage. J'ai vu deux fois cette année au cinéma, puis qu'elle était dans Logan Lucky aussi, la chanson que chante Merlin. John Denver, c'est. Non, mais je sais, mais. Mark Strong, voilà, qui chante avec son accent écossais la chanson de John Denver. Et qui était dans Logan Lucky aussi un peu autour du film, qui était très bien Logan Lucky aussi. J'ai que Lucas a beaucoup aimé. J'ai adoré. Ouais, c'était vachement bien. C'était Lucas. Voilà, c'était Lucas. Je l'ai vu deux fois au cinéma. Ouais. Non, non, très très bien. Avec aussi Channing Tatum et Adam Driver aussi. Décidément, ils sont partout. Ils sont partout. Et Daniel Craig. Et Daniel Craig qui a un rôle magistral aussi. Et le frère de Donald Gleason. On va les faire longtemps comme ça. Bon, on a fait le tour des tops. On va passer à nos petites recos rapides de choses que vous n'avez pas forcément vues au ciné ou que vous avez vues en festival ou des choses comme ça et que vous aimeriez recommander aux gens qui peuvent, s'ils sont trouvables déjà. Je vais me lancer avec moi ce que je considère comme le meilleur blockbuster de l'année, si tu veux en prendre plein la gueule et te fendre la poire. Mm-hmm. C'est le plus gros blockbuster en fait, Tollywood, donc c'est un film indien. Mm-hmm. Qui s'appelle Baahubali et en fait c'est le deuxième parce que c'est un diptyque en deux parties. La deuxième partie est sortie cette année. Pour la faire rapidement, en gros c'est Moïse dans une espèce d'Inde fantasmagorique. Et sachant que c'est le plus gros blockbuster jamais fait là-bas, ça a été un carton monstrueux là-bas, et à tel point que c'est sorti aux États-Unis, ça a ramené de la thune dans le monde entier. Ah ouais. Ça a tous les clichés qu'on peut imaginer d'Hollywood, il y a notamment des scènes de comédie musicale où ils partent dans les nuages et tout, sauf que c'est fait avec un budget monstrueux, c'est vraiment un espèce de péplum colossal, avec un sens de la démesure, et les gars ne reculent devant rien, ils ont peur de rien. T'as des scènes de baston où le mec c'est Dynasty Warrior, il est tout seul contre 150 mecs, et il défonce les 150 mecs, avec des ralentis de ouf et tout, et c'est du gros cinéma. Bigger and Louder où t'en prends plein la gueule et avec peur de rien, et en fait ça fait un bien fou parce que c'est hyper frais, et devant chaque scène tu fais putain ils vont pas le faire, et bah si ils le font. Et ils foncent comme des bœufs. Baahubali, c'est ça. Baahubali écrit Baahubali, et voilà, vous pouvez trouver les deux parties. La première est aussi vachement bien. Alors, narrativement c'est un petit peu le bordel, mais c'est du gros blockbuster qui change vraiment culturellement de ce qu'on a l'habitude de voir, et en fait ça fait un bien fou, et c'est vraiment un plaisir absolu de cinéma, visuellement hyper chiadé et qui a vraiment des idées qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est hyper frais. D'accord, donc une ouverture sur les charmes de l'Orient. Exactement. J'aurais pas mal dit. Bretagne. C'est ça. Exactement. Est-ce que quelqu'un a une reco à faire sur ces petites pépites dont on... Bastien, non ? T'avais quelque chose à évoquer ? Moi ? Oui, toi, Bastien, tu cherches pas. Moi, tu fais une reco. Oui, je cherchais enfin quelques infos sur le film dont je voulais parler. Je crois qu'il, je sais pas s'il est sorti en France. Un film qui s'appelle Brixby Beer. On avait parlé. Ah, il est pas sorti en France. Il est pas sorti encore en France. Que je sais pas s'il sortira un jour, parce que c'est pas une partie. Il est sorti en Blu-ray aux États-Unis. Voilà. Voilà, ah bah, tout à fait. Ton cousin américain peut te l'amener. Mon cousin américain me l'a prêté, du coup. Et j'ai pu le regarder, qui est un petit film que j'ai trouvé formidable. J'ai une fois de plus pleuré comme une madeleine, et ça, ça veut dire que j'aime bien. Donc c'est pour ça que je le garde. Brixby Beer, c'est ça ? Brixby Beer, ouais, ça s'appelle. C'est réalisé par un Dave McKerry, je sais pas, ouais, qui est un mec du SNL. D'accord. Si je dis pas de conneries, aux États-Unis. Et qui, du coup, réalise un, c'est un formidable film sur un. Comment résumer ce film ? Pardon, ça me sort un peu comme ça, j'avais pas vraiment prévu de parler de ça, et du coup, ça vient un peu là. Tu cherches le synopsis ? Ouais, je sais pas comment le pitcher, en fait. Bah, en fait, c'est un mec qui a toujours vécu dans une seule maison, il en est jamais sorti parce qu'il pense que le monde est complètement ravagé dehors. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a grandi en regardant une espèce de série animée un peu pétée qui s'appelait Brixby Beer, enfin Brixby Bear, parce que c'est un ours, c'est pas de la bière. Et Brixby Bear, et en fait, au début du film, la scène d'intro, il y a des flics qui arrivent, et en fait, il se rend compte que ses parents ne sont pas ses parents, il a été kidnappé quand il était gamin, et qu'en gros, il a vécu restreint dans un pauvre endroit, et donc il découvre le monde, et en fait, il découvre que sa série qu'il adore, Brixby Bear, bah, c'était le mec qui a en plus joué par Mark Hamill, c'était son ravisseur qui, en fait, la faisait dans son garage. Et le mec qui réalise qu'en fait il y aura plus d'épisodes parce que bah du coup comme les autres sont partis en taule, ils font plus les épisodes et en fait comme toute sa vie était construite sur cette série là, sa vie s'écroule et c'est sur un mec qui se reconstruit en se disant en fait je vais réaliser la fin de ma série et en fait à travers la série il se reconstruit en vrai machin etc. D'accord. Ce qui est passionnant dans le film, c'est tout ce parcours que va avoir ce personnage pour se reconstruire, qui va passer au travers de la réalisation de ce film et de tous les gens qu'il va rencontrer autour de ça et de tout ce qu'il va faire et tout ça. Et pour des gens un peu créatifs qui s'intéressent, des passionnés de cinéma et tout ça, des geeks un peu, pour les geeks en général, voir un personnage comme ça qui se reconstruit grâce au cinéma, bah, ça fait un petit quelque chose et c'est très bien fait, c'est très touchant. D'accord. Et je le recommande vivement si vous avez l'occasion. En plus, il y a Mark Hamill dedans. Il y a Mark Hamill. Il y a Luke Skywalker. Il y a Luke Skywalker. Et ça, ça fait toujours plaisir. Et ça, c'est toujours. Une autre petite reco, Quentin ? Moi, j'aurais peut-être. Enfin, encore une fois, c'est pas du cinéma, c'est une série. Et ce sera la saison 3 de Rick et Morty. Ah. Enfin, moi, c'est vraiment. Pour moi, c'était un peu comme une image de Twipix. Pour moi, cette année, ça faisait partie des événements audiovisuels les plus importants de l'année. Enfin, même. Moi, quand je parle de la saison 3 de Rick et Morty, pour moi, c'est en termes de série, c'était un des trucs les plus ouf depuis 25 ans. Enfin, c'était. Je pense qu'on peut tous citer l'épisode 3 Pickle Rick, qui est un épisode qui était phénoménal parce que ça envoyait aux fraises n'importe quel film d'action qui est sorti depuis 15 ans en termes d'idées visuelles. C'était. Et en termes même de. Bah de psyché des personnages, enfin de comment tu racontes les créateurs sont clairement sous acide quand ils ont écrit. Non, ils sont juste bourrés. Hein. Ils ont pas été arrachés, ils sont terriblement pertinents. C'est que ils savent te parler d'une génération qui est la nôtre, une génération actuelle des millennials qui pourrait être. Enfin, moi, un truc qui m'a vraiment perturbé enfin, par cette saison-là, c'est que ça te parle de notre génération donc qui est terriblement intelligente. Et ça, c'est représenté à travers le passage de Rick, qui est un mec qui est terriblement intelligent, qui peut faire tout ce qu'il veut, mais son intelligence est à la fois un fardeau qui l'empêche de vivre et de vivre avec sa famille. Et du coup, picole aussi. Et c'est ça le thème de saison 3. Le thème de saison 3, c'est principalement ça. C'est. Je prends de l'eau parce que j'ai soif. Oh, c'est tellement péché. C'est une série sur le mec qui prend de l'eau parce qu'il a soif. Et non, pardon. C'est quelqu'un qui a des rapports terriblement horribles avec sa famille parce que enfin il est horrible avec son fils, avec sa fille, avec son petit-fils, avec sa fille. Et son intelligence c'est un putain de fardeau et du coup il se comporte comme un personnage horrible et pendant 2 saisons en fait ils nous ont appris à aimer ce mec et au final de la saison 3 ils nous montrent enfin vous aimez vraiment ce mec enfin par rapport à ça va de pire en pire comment vous faites pour aimer ce mec. Et puis voilà, et puis si vous voulez en savoir plus, il y a Capture Mag qui en parle très bien aussi sur leur site internet. Et puis les 3 saisons sont sur Netflix aussi. C'est sur Netflix, regardez ça parce que c'est génial. Voilà. Monsieur Huttman. Non, moi je réfléchissais à conseiller un documentaire que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé. Donc un documentaire français qui dure 1h07. Donc, rien à voir avec tous les films dont on parle depuis le début. C'est un film qui s'appelle Carré 35. Que j'ai vu il y a un mois et demi quand je l'ai vu, c'est un film de l'acteur Eric Caravaca. Voilà. Moi, je connais pas très très bien. Et quand j'ai vu ce film-là, je savais pas ce que j'allais voir. J'avais juste vu l'affiche du film, que j'avais trouvé magnifique. Et le titre ne m'évoquait rien du tout. Et j'ai failli laisser mon âme dans cette salle-là. J'ai failli... J'étais à deux doigts de pleurer, vraiment. Ce film m'a profondément touché. C'est dur d'en parler sans en dévoiler quoi que ce soit. Mais en fait, pour faire simple, c'est l'histoire de Eric Caravaca. Donc c'est un documentaire qui interview sa mère, et en gros c'est une forme d'enquête. C'est une forme d'enquête sur sa sœur qu'il n'a jamais connue. C'est un film de fantômes, comme il y en a eu quand même pas mal cette année, avec Ghost Story, dont on n'a pas du tout parlé, qui sort... Il est pas sorti encore, je pense. Il y a eu des avant-premières, enfin bref. C'est un film de fantômes de plus, qui est complètement intime, à fleur de peau, à la fois simple et universel. Et en gros, c'est du cinéma pur dans un documentaire, c'est-à-dire que, comment dire, grâce au documentaire, on arrive à dire l'indicible, des choses qu'on ne pourrait pas exprimer par la parole, et faire des images sur des images qui n'ont jamais existé. En gros, il enquête sur cette sœur qui ne connaît pas, et en gros, il mettra son histoire à lui en parallèle de la grande histoire. Enfin bref, là, je me rends compte que quand j'en parle, je ne peux pas vraiment en parler, mais le film... plus au cinéma, je pense, mais quand il sortira en DVD. Non, mais quand il sortira en DVD ou sur des plateformes de VOD, c'est vraiment une recommandation. Même dans les mains de mon pire ennemi, je vous conseille de voir ce film-là. C'est un film d'une beauté sans nom. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Très bien. Je conseille à tout le monde de voir Cara 35 d'Eric Caravaca. Merci. Je vous propose du coup d'enchaîner tout de suite sur nos déceptions de l'année, parce qu'il faut bien. Il faut bien parler des flops, il faut bien faire mettre la petite ombre au tableau, hein, puisque Victor l'a dit, c'était un joyeux bordel cette année. Donc, qu'est-ce qui a fait partie de ce joyeux bordel ? On va pas parler, on en a parlé, voilà, c'est bon. On va pas parler de l'affaire Weinstein, parce que je pense qu'il s'est passé d'autres trucs. On a vu d'autres trucs chiants, d'autres trucs nuls, voilà. Trump, par exemple. Oui, oui. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a déplu cette année ? Particulièrement au point de, ouais, de vous avoir. J'ai raté mon carreau au Masters de Brest il y a un mois. La vidéo est sur YouTube. Ouais, non, ça nous, pas ça nous a coûté la demi. Bon. Thierry, si tu m'écoutes, je suis désolé. voilà. Non, voilà, c'était ma déception de 2017. Voilà, merci, JP. Je t'en prie avec plaisir. En fait, la déception, enfin, moi j'y réfléchissais aux films qui m'ont déçu, mais en fait, il n'y en a pas tellement. Parce que quand tu voyais de toute façon le planning cinéma, tu pouvais difficilement attendre grand chose, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois, ok, donc cette année on va avoir Triple X 3, Fast and Furious 8, Wonder Woman, machin, tu fais putain, ok, on va bouffer de la merde, quoi. Et au final, les trois quarts des films étaient pourris, et tu vois, le seul éventuellement qui m'a déçu, mais on va pas revenir dessus, c'est Thor Ragnarok, parce que j'estime un peu le réel, et bon, j'ai trouvé le film horrible. Mais tu vois, genre Justice League, on attendait rien, on a été servi, c'était atroce. Et les trucs, un des blockbusters, bah, c'est genre Alien Covenant, c'était mais horrible, mais bon. Non, mais bon, oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que enfin pour moi le flop, en fait, c'est que enfin moi quand j'ai constitué mon top, enfin pas pour mon top mais mon flop, pardon, pas mon top flop, c'était que j'ai pas considéré les Marvel, parce que c'est enfin des films Marvel, c'est des films dont j'attendais rien, donc pour moi ils pouvaient pas me décevoir. C'est que moi j'ai vraiment, enfin j'en reparlerai après, mais c'est des films dont j'avais une certaine attente. Et qu'au final, ce soit révélé être de la merde. Mais ouais, quand tu dis, bah ouais, bah Justice League, Wonder Woman, bah ouais, c'est des films, j'en attendais rien. Du coup, j'ai même pas envie d'en parler dans mes flops, tu vois. C'est parce que j'avais aucune attente. Du coup, les déceptions, en fait, j'en ai. Enfin, moi, je. J'étais déçu. Bah, en fait, je cherche, mais c'est ce que je dis. Comme j'avais aucune attente particulière sur ce genre de film, sur les plupart des trucs tout pourris que j'ai vu cette année, bah, je peux pas dire que j'étais déçu, parce que non, juste, ok, je m'attendais pas à grand chose et j'ai été servi, quoi. Ouais, en fait, moi, quelque part, c'est difficile de vraiment faire un flop, parce que... Parce que tu vois, le flop, c'est la question vraiment du film qui t'a... Enfin, la déception, et j'ai... Moi, j'ai pas de déception, c'était... Enfin, ouais. Ouais, les choses que... Bad Buzz. Ouais. Bad Buzz, non, je n'ai pas été le voir, donc ça... Lucas, tu voulais dire quelque chose ? Non, j'ai eu un petit flash là, sur les films que j'ai vus. Enfin, j'avoue, les films... Un PTSD. Les films, ouais, c'est ça. Les films desquels j'ai peur, j'avoue, je les ai pas vus. Je suis pas allé voir Ghost in the Shell, par exemple. Ouais. Je me suis parlé ça, mais... Je suis allé voir La Tour Sombre. Ah. Tu vois, ah. Toi, t'étais à Paris en août, au début août. Ouais, c'est ça, j'étais là tout l'été, j'étais là chaleureusement, et j'avoue, j'aime beaucoup Stephen King, j'aime beaucoup les bouquins aussi à Tourson, mais c'est un ratage total, à tous les niveaux. Mais déçu. Ah bah oui, j'étais déçu. J'avais pas de réelle attente, mais j'ai quand même été déçu, tu vois, le niveau du truc là, ou pas. C'est fort, là, c'est très fort. C'est que, non, c'est que le film ne fonctionne à aucun niveau, et je comprends pas pour qui est le film, en fait. J'essaie de me dire, si j'avais été un gamin de 8 ans, est-ce que j'aurais bien aimé le film? Je suis sûr, je pense que j'aurais pas aimé le film. Ouais. Un gamin de 8 ans qui aurait du Stephen King, quand même. T'as dit quoi? Un gamin de 8 ans qui va avoir du Stephen King, quand même, le pauvre. Non, oui, non, mais si tu peux le regarder, quand même. Une histoire de pistolero, de oui, la tour sauver la planète. C'est très complexe. Mais si, les bouquins sont super complexes, mais tu peux le regarder, juste le regarder. Mmh. Et moi, je pense que gamin, ça m'aurait fait chier, quoi. Le film dure 1h30, emballé, c'est pesé, et ça a le temps de rien développer. Et ce que ça le raconte mal. C'est pas forcément bien joué. C'est la direction artistique, elle suit pas. Non, c'était pas bien. C'est vraiment un bon film. On a vraiment kiffé. Ça fait partie des réussites. On a dit qu'on disait des flops. Ah oui, merde, non, j'adorais. Ouais, alors, du coup, j'en ai une qui m'est venue entre temps, c'est l'annulation de Sense8, même si la série des Wachowski. Même si je trouve que la saison 2 est quand même, a des problèmes que la première n'avait pas en termes d'écriture, et il y a des facilités qui sont un peu gênantes. On parle pas mal de Sense8, attention Jean-Victor, ça va venir très mal. Ah, mais je n'imagine pas combien j'aime Sense8, donc ça me fait mal d'en dire parfois un peu de mal, mais la saison 2 était en fait posée des choses qui vraiment, on voyait que les gars voyaient, enfin, que les meufs en l'occurrence, voyaient sur plusieurs saisons et avaient vraiment un univers à étendre, et on se disait, ok, la saison 3, on va en prendre plein la gueule. Et bah non, on aura un épisode de 2 heures, ce qui est déjà bien pour terminer. En plus, il va être écrit par notamment l'auteur de Cloud Atlas, David Mitchell, donc je pense que ça va être carré. Mais voilà, c'est décevant de voir cette série qui ne demandait qu'à grossir, qu'à exploser. Et au final, Netflix arrive et dit, bon, non, en fait, ça marche pas, donc on va arrêter de foutre des bits dedans. C'est con, ça. Ouais, c'est bon, voilà, il y aura la Tour Eiffel avec un feu d'artifice dans le dernier épisode. C'est déjà un beau lot de consolation. Quand faut jaser. Mais ouais, voir Netflix qui annule un peu ses grosses séries, c'est comme The Get Down qui a annulé, bon, ça fait chier. C'est impossible ce phénomène de qu'ils ont annulé plein de séries à tour de bras alors que, enfin, ils croulent sous l'argent. Et... Non, mais c'est que ça marchait peut-être pas tant que ça aussi. Non, mais après, je pense que c'est leurs algorithmes. Apparemment, c'était vraiment un public de niche qui matait ça, mais c'était tellement une série. Moi, je trouve que c'était vraiment pas. Je pensais pas parler de ça en termes de flop. Bah oui, clairement, un de mes flops de l'année, c'est l'annulation de cette série, parce que ça m'a brisé le cœur, moi, qu'ils annulent ça, parce que c'est une série dont on a terriblement besoin en ce moment, à part les temps qui courent, parce qu'on vit dans un monde de merde. Non, mais il y a des faits de ce qui sont passés cette année ou l'année dernière, enfin, notre époque, qui font que quand on a une série comme ça qui débarque terriblement humaniste, qui prend la diversité et tout ça, c'est. C'est les gens, ils viennent, ils font un câlin, quoi. C'est terrible, c'est une bouffée d'air, c'est une bouffée d'air frais. Et puis voilà, je voulais rebondir là-dessus. Enfin, moi, du coup, j'ai aussi je viens de me rappeler, du coup, un de mes gros flops de l'année, parce que c'est vraiment un film dans lequel j'ai cru terriblement, et je crois très naïvement. Je vais lâcher un gros dossier, je pense que c'était Valérian. Valérian, ce film. Luc Besson. Bah oui, déjà, tu vois Besson, c'est pas bon. Hein. Non, mais moi, j'ai terriblement cru à ce film. Enfin, moi, Non, franchement, très honnêtement, Valérian, j'ai cru. Enfin, les trailers, moi, ils m'avaient super emballé. C'est chiant. Oh putain, je suis au taquet. S'il vous plaît, je me demande de vous arrêter. Non, mais moi, les trailers m'avaient hyper emballé. Enfin, je trouve que ça, quand même, visuellement, ça a l'air d'avoir de la gueule. Enfin, un film français de science-fiction. Enfin, voilà, ouais, on est obligé de s'y intéresser parce que ça arrive pas tous les jours. Et et puis au final, dans la salle, une fois dans la salle, que j'ai un film que j'ai expérimenté avec Bastien en 4D. Ah oui, c'est-à-dire qu'on avait les sièges. Toutes ces chansons film. On était en mode expérience Avatar en 3D, donc avec les lunettes sur le nez. Bon, voilà, c'est tout. Du coup, pour remettre le truc, c'est que 4DX, c'est-à-dire que c'est une salle qui est au pâté de la Villette. Porno. Bon, c'est rien, c'est pas... Presque porno. Il y avait les sièges qui bougeaient, des stroboscopes, on se prenait du vent dans la gueule et derrière les oreilles. De l'eau même, on se prenait de l'eau dans la tête. On veut savoir quand t'as éjaculé ou pas. Non, pas du tout. Bah non, parce que c'est de la merde. C'est de la merde. Mais du coup, c'était un film qui était terriblement mauvais au final. À part un premier tiers qui est très réussi, parce que avec le premier tiers avec le passage dans le marché qui fonctionne hyper bien. Mais alors après ça s'effondre totalement parce que c'est terriblement mal écrit, c'est terriblement mal joué, c'est terriblement mauvais. Et c'est quand même le plus important. Mais... Non, mais c'est une écriture. C'est une écriture. C'est un film avec une écriture qui est terriblement fonctionnelle. C'est-à-dire que les, enfin, chaque personnage du film n'a aucune. Aucune nuance, il a un rôle défini qui il juste là pour exécuter son rôle sans sortir un peu des sentiers de son rôle quoi. Et aussi moi un truc qui m'a brisé le cœur c'est Ethan Hawke qui m'a brisé le cœur dans ce film parce que Ethan Hawke et malheureusement il joue dans ce film parce que il dans ce rôle de je sais pas de chef de club de striptease ou je sais pas quoi avec Rihanna qui fait une scène terriblement gênante de 5 minutes ou qui non mais oui, voilà c'est que il y a enfin Clive Owen enfin son rôle il est horrible enfin bon, il est là il a eu une carrière un peu clivante récemment c'était dans la droite ligne de ses derniers rôles c'était quoi. Une vanne clivante Clive Owen même pas, même pas. D'accord c'était j'ai cru non mais même pas en plus j'ai oublié de relever mais voilà moi mon bah, mauvais, moi voilà mon terrible flop de l'année à part Dunkerque c'était Valérian je laisse quelqu'un rebondir sur Dunkerque. C'est juste pour venir, c'est que Valérian, c'est en fait c'est la déception, elle est chiante parce que c'est un film qui aurait pu apporter beaucoup de choses au cinéma français s'il avait fonctionné. Et que des mecs en France qui ont envie de faire de la SF et des films à gros budget, il y en a un paquet. Et là, le beat de ce film-là va leur foutre des. Va les plomber pour les 20 ans à venir. Donc en fait, c'est chiant, ça va empêcher encore le cinéma de s'émanciper. L'imaginaire en France de s'émanciper, quoi. Ouais. Bastien, toi, ta déception. Moi, je vais revenir sur vite fait sur Dunkerque. Enfin. J'avais mis toutes les chances de son côté pour ce film. Je suis allé voir en Belgique, je suis allé à Bruxelles pour aller le voir dans une salle IMAX, dans son format de tournage, format 1,43, donc un format presque carré. Donc, il y a beaucoup plus. Une salle dans les proportions pour ce type de format, donc un écran extrêmement grand. Et voilà, et donc le film était une terrible déception. Non pas que je sois extrêmement fan de Nolan déjà à la base. Et le film était très décevant. Je pense que globalement, il a déçu pas mal de monde, le film. De manière générale, il a été déçu aussi. Il parle bon bout, quoi. Il n'a pas donné la bonne histoire. Parce que Dunkerque, t'as quand même une sacrée histoire à raconter avec ce qui s'est passé à Dunkerque. Déjà, t'apprends rien dans le film. Ah ouais, on n'apprend rien. Il a raconté de la bonne manière, Cosdo. Je pense que le problème, c'est que. Pourtant, c'est quand même. Moi, je suis très fan de films de guerre et des films comme ça, quand t'en fais un, faut vraiment le faire, mais bien. Non mais vraiment parce que c'est des trucs historiques qui se basent sur des faits historiques et faut pas bafouer des gens comme ça à en faire un blockbuster à la con en plus c'est Nolan enfin tu te dis forcément non. Je pense qu'il a pas voulu en faire un blockbuster non, à la base mais ben non mais ouais mais au final c'est une merde et puis il raconte pas la bonne histoire du bon angle et puis voilà c'est enfin il y a une terrible enfin l'histoire de Dunkerque c'est quand même une histoire importante de la guerre c'est les personnages enfin qu'il y a aucune caractérisation des personnages qui fait qu'on ne s'attache absolument rien dans ce film et que enfin il peut arriver toutes les merdes du monde enfin c'est vous l'expérimentez le problème c'est que c'est un film pour fonctionner il aurait fallu qu'il soit total ultra viscéral en fait c'est l'équivalent d'un Mad Max en fait dans la construction enfin il aurait fallu ouais, exactement, il aurait ouais. fallu un George Miller à la barre en fait et le problème c'est que c'est Christopher Nolan c'est ça non, mais c'est le problème c'est Nolan c'est un réalisateur hyper cérébral et du coup le viscéral ça ne fonctionne pas mais il aurait essayé bien tenté oui mais c'est raté il y a le mec qui vise effectivement une expérience super immersive où il dit je vais te coller au plus près des soldats et tu vas vivre Dunkerque avec eux et en fait là tu passes sur une autre histoire avec des mecs dans un avion et t'as à peine le temps de voir que tu passes sur des mecs dans un bateau et tu passes le film à passer de l'un à l'autre donc en fait quand tu reviens sur les mecs tu fais putain mais pourquoi ils sont arrivés là si tu rates la seconde ils te mettent le carton qu'ils en prennent de la graine avec Mel Gibson je suis désolé putain ce film aux Oscars ça m'a déçu qu'il en ait qu'un pour des trucs techniques d'un Hawksaw Ridge je suis désolé mais qu'ils prennent de la graine sur Mel Gibson putain c'est une immersive c'est fabuleux Andrew Garfield est génial enfin bref juste une petite parenthèse on a oublié de rappeler qu'il a un procédé narratif particulier qui fait qu'il y a une timeline qui se passe en une journée une timeline en une semaine une autre timeline en un mois et que ça ne fonctionne tout simplement moi, pas. L'autre en un siècle. Non mais c'est une heure, une journée, un mois, une semaine. Enfin, qui ne fonctionne pas du tout. C'est enfin, moi pour un film, j'étais là, mais je passais mon temps à raccorder les bouts. Enfin, moi j'ai mis 45 minutes à comprendre les timelines. Non mais mais voilà. C'est parce que ça met pas en exergue le problème de Nolan qui est qu'il complexifie ses films. On pense toujours que c'est plus compliqué que ça ne l'est. Oui, voilà, bah là, une fois que t'as t'as compris que ça, c'était comme je ça. Je me démonte par A plus B. C'est un film sympa. Ça apporte rien en plus. Quand tu raconteras, quand tu fais OK, cool. T'es trois films en un, ouais. Une fois que t'as compris le truc. Ouais. Bah, t'es bah ok. Non, mais voilà, mais il y a beaucoup de films. Et moi aussi, un truc que j'aimerais mettre en avant, c'est. Lucas, tes impressions sur Dunkerque. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup insupporté en ce film, c'est Hans Zimmer, sa bande son. Je n'en peux plus de ce mec. Enfin, voilà, c'est mon coup de gueule. Hans Zimmer, je n'en peux plus. C'est un des films de Christopher Nolan qui était le plus court de sa filmographie et qui m'a semblé le plus long. Et c'était notamment aussi à cause de la bande son que je trouve assourdissante. Insupportable. Il a fait encore pire sur Blade Runner juste après. Justement, Blade Runner, on rebondit. Non, mais voilà. C'est un autre flop. Zimmer, ça fait commun. Ça fait quelques années. Lucas, t'as une idée de déception en particulier? Bah, j'ai déjà dit la tour sombre, mais. La tour sombre, oui, pardon, excuse-moi. Parce que, tu vois, comme quoi, c'est, on avait dit qu'on faisait que. Tu dors, William, ou quoi? Ok. Ok, ok. Ça, c'était cadeau, ça. Bon, bah, très bien, bah, puisque vous faites les malins. Qu'est-ce qu'on attend pour 2018, là? Maintenant? Ah, bah, mais c'est bien, c'était une année de merde, machin, tout ça. On critique, mais alors. Je pense qu'on va mettre les deux pieds dans le plat tout de suite en citant Spielberg. Eh oui. Qui arrive par deux fois. À deux mois d'écart. En premier avec The Post, Pentagon Papers en France. Film sur des journalistes qui révèlent une sale histoire du gouvernement avec Tom Hanks et Meryl Streep. Et tu vois le trailer, je fais putain, en fait, ça ressemble à tous les films qu'on a eu comme Spotlight, etc. Spotlight, ouais. Mais avec un réalisateur. C'est vrai que les plans sont dingues et ça a l'air de juste passionnant. Un documentaire. Et le film a l'air fou, et dans un genre tout à fait différent, et là où ça a l'air d'être la méga branlée, le blockbuster événement qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, Ready Player One, donc adapté du bouquin de Ernest Cline, où juste le deuxième trailer, mais chaque plante en colle une, quoi. C'est que ça a l'air gigantesque, ça a l'air immense, enfin, c'est un film qui a l'air ample et vraiment qui a l'air de terrasser la gueule à toutes les nuits. Il y a du genre de fer dedans. Ouais, qui joue donc vite fait l'histoire, c'est dans le futur sur une génération complètement perdue où en fait le monde est devenu complètement pourri. En fait, les gens s'évadent dans un truc en réalité virtuelle et dans lequel ils retrouvent plein d'icônes du jeu vidéo, du cinéma. Et dans le trailer, effectivement, tu vois des personnages de jeu, tu vois le géant de fer, tu vois la DeLorean de Retour vers le futur, l'intercepteur de Mad Max. Enfin, bref, ils vivent dans un monde de licence, quoi. Et a priori, moi j'ai pas lu le bouquin, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce de grande critique de ces nouvelles générations qui en fait vivent directement dans la nostalgie sans avoir eu de mythe à leur époque et du coup qui sont en quête de héros et qui courent derrière des trucs qu'ils connaissent pas finalement et voilà. Spielberg, on en parlait un petit peu avant l'émission, mais Spielberg qui avait annoncé la fin des blockbusters il y a quelques années avec George Lucas et qui s'attaque de front à ce sujet là dans un film en plus qui a l'air technologiquement complètement ouf parce que les trois quarts du film sont en performance capture, etc. Et quand on voit déjà ce qu'il avait fait dans Tintin ou même dans le bon gros géant qui est pas un grand Spielberg mais qui a deux trois trucs de réel absolument monstrueux, tu te dis putain, ouais, là j'y vais, on tend la joue en rentrant dans la salle, quoi. Et je pense que de toute façon, il va la foutre des deux côtés, la claque, et on va finir avec la tête dévissée. C'est Spielberg. Et peut-être que ça. Le patron. Peut-être que ça finira. Pas parce que du coup, cette fameuse fin des blockbusters, j'ai ma petite théorie là-dessus, de. Qu'on est dans une. Ouais, cette phase de. Mais ça vaut pas que pour le cinéma, je pense, ça vaut pour plein de trucs. Pour la politique et tout ça, enfin bref, sans faire de la philosophie de comptoir, mais ce côté un peu j'ai l'impression qu'on est dans une époque, ouais, un peu on revient dans un délire un peu 70s de il y a des gros films, il y a des gens qui essayent de faire une sorte de contre-culture machin, et puis là on arrive à ce point un peu culminant de là c'est trop de partout, et où on commence à chercher des, alors peut-être que ces chemins de traverse, c'est les plateformes de streaming, c'est les machins. On est en train de diverger sur un sujet qui peut être terriblement riche et varié, mais oui, et on va faire vite du coup. Spielberg il va mettre en avant un truc avec Ready Player One qui fait qu'en ce moment on vit une époque où du fait de la profusion de reboot, de remake, de ramener de la nostalgie des 70, on manque terriblement d'une contre-culture en ce moment à notre génération qui existait dans les années 70. C'est ce problème que les mecs comme Spielberg. Non, mais maintenant, on s'inspire des mecs comme Spielberg sans penser à ceux qu'il y avait avant. Oui, voilà. Et du coup, ce mec Spielberg est peut-être là pour. Et en base, et aujourd'hui, en construisant la culture actuelle sur ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'aura plus rien à recycler, quoi. Bah oui, on supprime les intermédiaires. On a besoin d'une nouvelle culture en ce moment. C'est juste. C'est vital pour nous, pour l'humanité, pour le rafraîchissement intellectuel, ou je sais pas, je dis un terme de merde, je pense. Ouais, c'est pas si ton attente pour 2018. Alors moi, mon attente pour 2018, une attente que j'ai vraiment, que c'est Predator de Shane Black. C'est Il s'appelle The Predator. The Predator, j'ai oublié le The. c'est vraiment parce que Predator, c'est une saga qui était quand même plutôt maltraitée dernièrement. Le Rodriguez, je pense qu'on n'en parle pas. Les Aliens versus Predator, je pense qu'on n'en parle pas non plus. Et puis parce que c'est quand même un retour au cinéma de Shane Black qui nous a bien fait plaisir avec The Nice Guys, avec aussi. J'ai du mal avec les noms. Moi, avec Iron Man 3 et aussi c'est un mec qui est, son projet, quand il a amorcé la réalisation de ce film, il a dit on va revenir à ce qui faisait l'essence du Predator, et je fais totalement confiance à ce mec pour qui jouait dans Predator, ouais, et il avait participé à l'histoire aussi. Van Damme jouera le Predator. Je ne pense pas. The Predator de Shane Black, je pense qu'on va tout déchirer. Très bien. Lucas, t'en attends pour l'année. Je dois en citer qu'une ou je peux en citer plusieurs? Il en a 14. Si tu fais vite. Parce que j'en ai plusieurs. J'ai Roma d'Alfonso Cuarón, mais je sais pas si. Enfin, parce que. C'est en 2018 juste... Ouais, je crois que c'est prévu pour 2018, ouais. C'était. Ouais. 2h. 2h20. Ah, ça me purit bien. C'est ça. 2h20 juste par principe, le film d'Alfonso Cuarón, parce que le précédent film c'était Gravity, et là il va juste s'intéresser à la vie d'une petite famille mexicaine dans les années 70. Voilà, pour l'instant c'est ça, c'est le synopsis. Non, mais surtout les deux attentes, on va dire que de l'animation, donc Les Indestructibles 2, la suite du précédent qui s'est sorti en 2004, de Brad Bird, donc toujours avec Brad Bird. Voilà, Brad Bird qui se bat lui aussi perpétuellement. Bon, après, il a son ego, tout ça, qui fait qu'il fera que ce qu'il a envie de faire. Mais avec toutes ces histoires de Star Wars et puis l'échec cuisant, la déconvenue avec Disney et Tom Holland qui est magnifique. J'avais un peu peur, mais pour Les Indestructibles 2, je sais pas ce qu'il va faire. Ça va être génial. Le teaser, j'étais excité un peu déçu. Et j'ai quand même pleinement confiance en Brad Bird pour livrer un film. Ouais. Bah, surtout que c'est l'un des rares Pixar, je trouve, qui se prête vraiment à une suite, en fait. Ouais, parce que. On est dans un esprit serial, donc une suite à ça. Il y avait un côté pulp à fond côté BD. Moi, quand ils ont sorti le truc qu'ils allaient faire un 2, je m'attendais absolument pas à avoir un deuxième Anos Grimm, quoi. Ouais, c'est vraiment le truc que tu tiens. Et en même temps, il avait prévu. Prête plus que Nemo, que Cars, que. Mais c'est juste que s'il l'avait pas fait, c'est pas grave, quoi. Et en même temps, même si c'était la fin, plus ou moins, quoique obligée du premier film, la fin était complètement ouverte. C'était le genre qui voulait ça, le côté un peu cliffhanger gratuit de super-héros, mais voilà, autant sauter sur l'occasion. Mais je sais pas si je vais vous spoiler, mais la conférence D23, il avait annoncé qu'en fait le début d'Indestructibles 2, qui se tient en août tous les ans, Brad Bird annonçait qu'en fait le début d'Indestructibles 2, ce sera une minute après la fin d'Indestructibles 1. Du coup, ça va cash reprendre avec le combat contre la top de ouf là, qui sort du sol, et moi je trouve ça dingue. Enfin, genre, il va reprendre une minute après que le film est sorti il y a 14 ans. Mais la première photo du film, en dehors du teaser, avec l'équipe en costume, c'est littéralement l'équipe sur le parking de la fin du premier. Putain, c'est génial. Ouais. Et le deuxième film, c'est un autre film d'anime, The Isle of Dogs de Wes Anderson. Son précédent film, c'était du coup Grand Budapest Hotel, que j'avais apprécié, mais j'avais pas mal de réserves sur le film quand même. Comme dirait l'autre, c'était Wes qui faisait du Anderson. Oh, pardon. Ok, non mais c'est cool, mais j'avais jamais entendu ça. Non mais tu sais, c'est genre... Il avait un côté presque parodique de son propre style, je trouve, dans celui-là. Oui. Mais j'ai beaucoup aimé, dans Grand Budapest Hotel, mais c'est le film avec les plans cinématiques. Film un peu trop, quoi. Mais il était, moi j'ai beaucoup aimé. Non, c'était très bien. Mais là, genre, effectivement, j'avais adoré Fantastic Mr. Fox, alors je me dis, en plus, le sujet est super cool. Et le trailer est monstrueux. De quoi le sujet. La 7 dixième de seconde. Eyes of Dogs. Mais c'est un enfant et des chiens et un kamikaze japonais et c'est tout ce c'est que j'ai. C'est bizarre ça. Bah ouais, non mais. Et c'est tout ce que j'ai. En fait, c'était le traitement du Japon, mettre en scène des animaux comme il avait fait avec Fantastic Mr. Fox. Ouais. Et je pense que ça va être vraiment cool. Et le trailer est super quoi. Il a les films en motion capture, non? Attends, en stop motion. En stop motion. Barracuda. Ouais, en stop motion. J'adore. Donc. Ouais. Le quelque chose qu'on a vu de ce film-là, ça a l'air bien. Qu'est-ce... Oui, oui. On hallucine sur le chronomètre de l'émission. C'est 2h11. Une autre attente pour 2018. J'ai perdu le fil, excusez-moi. Bastien, t'as donné ton attente pour 2018. Ready Player One, non, c'est pareil que Jean-Victor. Ready Player One, ouais. C'est ta plus grosse attente, ouais. Ouais, vraiment. Pour beaucoup, j'ai lu le bouquin et entre les mains de Spielberg, ça peut vraiment être un très gros truc qui peut être vraiment moi, très intéressant. J'ai peur en fait, mais je sais pas. J'ai pas peur de confiant. Spielberg. J'ai pas peur. Il y a pas peur. Like a faith disturbing. Ok, très bien. Moi, mon attente pour 2018, puisque vous me demandez, c'est la nouvelle saison de Game of Thrones. Non, je déconne, elle sortira l'année d'après. Voilà. Non, j'ai pas spécialement de. T'as pas d'attente. Enfin, si j'en ai, mais globalement. Moi, je voulais savoir, est-ce que les films de Kaamelott sont prévus pour l'année prochaine ou pas? Non. Ah, je crois je pas. Je pense à rien. Parce qu'il devait commencer à tourner cette année. Ouais. Il devait commencer à tourner il y a 10 ans. Non, non, non, parce que Asti, il a dit quand même. Et ça me frustre, parce que. J'en ai marre d'attendre. C'est triste. Bah ouais, moi c'est pareil. Mais non, j'en ai marre. Normalement, c'était prévu qu'il commence à tourner donc en 2017. Donc s'il sortait l'année prochaine, ça serait ma plus grosse attente. Mais je crois pas d'Avengers 3 comme attente. Non, il y a le Blu-ray d'Abyss avant aussi. Non, bah Avengers, ils en ont fait 12 000 d'Avengers, c'est bon, c'est les couilles avec ça. Non, mais après, en termes d'attente, ouais, non, moi, ouais, les Indestructibles, beaucoup que j'attends. Après, ouais, non, j'ai pas d'énormes attentes vis-à-vis de l'année prochaine en fait. J'ai l'impression qu'on. On a beaucoup de gros trucs qui arrivent peut-être l'année d'après encore, mais comme toujours. Mais au-delà des blockbusters, si j'attends le prochain film de David Robert Mitchell, qui avait fait The Mist of the American Sleepover et It Follows. Moi, j'avais adoré. J'aime beaucoup The Mist of the American Sleepover et j'avais beaucoup, beaucoup aimé It Follows. Et du coup, par curiosité. Qui sort l'année prochaine, du coup, son prochain film ? Normalement, ouais, il sort en milieu d'année ou deuxième semestre, ouais, probablement à Cannes. Et voir des films qui étaient en festival que beaucoup de gens ont beaucoup aimé, que j'ai pas vu, comme How to Talk to Girls at Parties ou des films indés américains. D'accord. Bah, de toute façon, il y aura plein de choses à voir. Normalement, la contrebande sera là pour en parler. C'est ça. Tout à fait. Bien sûr. Je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir, messieurs. Hein. Oh oui, c'est pas touché, hein. Hein, les Warriors. Il est à peu près l'heure de la durée de l'émission, donc c'est parfait. Non, quelle année, de quel jour, de quel mois? Ouais, quelle année 2017, on demande pas autant de scandales et tout que... S'il vous plaît, arrêtez de faire des bêtises, c'est les gens. Très bien, les gens, stop. Stop. Des films, s'il vous plaît. Messieurs, c'est ainsi que se conclut notre émission. Oui. Rapidement, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Bastien? Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Je suis présent sur un Twitter. Un Twitter. Bastien_Rénal, R-E-Y-N-A-L. Voilà, je dis des bêtises de temps en temps, mais je parle pas beaucoup, donc c'est pas très utile. Enfin, très bien. Celui-là, c'est pas rigolo. Voilà. Et sinon, dans la contrebande, comme moi. Et dans la contrebande, voilà. Bien évidemment, voilà. Avec toi, Willem. Très bien. Quentin, dis-moi, on peut te retrouver? Pareil que Bastien sur Twitter. Bastien underscore. c'est le community manager du Twitter de Bastien. Non, c'est @cambis, mais pareil, je retweet Guillermo del Toro et François Ruffin, des trucs de gauche. Et Bastien qui retweet Quentin. Voilà, c'est ça. Et enfin, rien de très passionnant, mais venez voir quand même si ça vous intéresse. Très bien. Et Cambis sur Sens Critique, c'est ça? Et Cambis sur Sens Critique, exactement, qui note beaucoup de trucs. Très bien. Lucas, dis-moi. Et bah moi aussi sur Twitter, @lebarberousse, mais sans E, le Barberousse. Donc c'est comme le film de Kurosawa, le avant et sans le dernier E. D'accord, le Barberousse. Ouais. D'accord, très bien. Exactement. Et de temps en temps, tu sévis dans Cinématraque aussi? Parfois, ouais. Parfois, ouais. Très bon blog Cinématraque. Si je peux me permettre. Ça fait plaisir. Non, mais j'ai découvert évidemment ce blog aussi cette année. Et plein de gens très talentueux écrivent sur ce site. Plein de gens très talentueux et qui donnent des perspectives sur certains films auxquels je n'avais pas pensé. Il y a un certain Luc. Notamment Coco, j'ai trouvé très, très bonne critique. C'était Julien. Jean-Victor. Moi, vous pouvez me retrouver sur cloneweb.net pour des critiques écrites et des vidéos. Et on fait notamment un podcast audio qui s'appelle Happy Hour. où on parle pop culture en buvant des bières un peu comme ici, donc c'est cool. Moins tard, ouais. Mais avec beaucoup plus de bières aussi, donc ça équivaut en fait. Et sur Twitter, @foxsweat, FOXHOUET. Voilà. Très bien. République démocratique du Congo. Très bien. Et quant à bah, moi, du coup, à tous les Mcotin sur Twitter. Voilà. Et puis, dans la contrebande, quand on est là. suivez du coup. Formidable ingé son. Il est toujours là. Antoine Buisson qui est encore debout à 7h01 du. Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Merci de. Tu es le meilleur. Et les pizzas étaient excellentes. Exactement. Et les noix de cajou. Les noix de cajou. On ne félicitera jamais assez les noix de cajou. Merci à tous. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, @lacontrebande, sur Facebook du coup. Twitter pareil, @la_contrebande. Abonnez-vous sur iTunes. Mettez-nous 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Voilà. Si ça vous a plu, partagez. Faites, donnez-nous votre avis aussi. On aime beaucoup avoir les avis, pas que à l'oral des gens sur l'écrit, c'est cool aussi. Alain, bisous. Pensez tout ce que tu prends à me dire, moi je vais me coucher. Oh. Si les matières restent debout, toi, assieds-toi et regarde ton enfant, toi.